vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Les plans d'aujourd'hui, assemblage requis. Dominique de Mavoukou nous guidera pour une autre visite du continent africain dans Voie d'Afrique. Et Jimmy Thibodeau restera confortablement à gauche dans sa chronique Gauche à RBV. On est bien à gauche. Mais oui. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 20 février 2018. On est à 66 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est fou, là où Mathieu a failli faire du patinage artistique ce matin. Colina, c'est glacé malgré les bottes. Il va falloir quelque chose de plus heavy duty que ça. Ça glisse en titi aujourd'hui. On est pas mal dans les mêmes temps, en plus, si je me rappelle bien, où tu t'es cassé le bras l'année dernière. Alors, on aimerait que tu fasses attention. Je fais tellement attention. Oui, je suis à peu près à 3 semaines de distance. Là, c'était à la mi-mars. Il me semble, un petit Exactement. Peu avant la mi-mars. L'année passée, je m'étais cassé le bras. Ça avait duré quoi, un mois et demi? Un mois et demi, ouais. C'était ridicule. Donc, on va voir. Aujourd'hui, je faisais tellement attention. Oui, chaque c'est pas, bien. Là. Continue. Merci. Fais attention. On va laisser ça aux Jeux olympiques, le oui. patinage. Hein? C'est la compétition de quoi? Bobsleigh, ce matin? Ce matin, c'est bobsleigh, mais on a remporté l'or cette nuit avec Tessa Virtue et Scott Myers. Je dis cette nuit parce que j'étais couché à 9h30. Là, fait que, plutôt hier soir, mettons. On va dire hier soir. Là, ça s'est terminé avant minuit, mais j'étais incapable de rester éveillée. Donc, j'allais me coucher. J'ai réussi à avoir quelques programmes d'autres Canadiens que Tessa Virtue et Scott Myers, mais... Les autres médaille pour moins, là, ben c'est ça. Hein? Grâce à cette médaille d'or, là, ils sont quand même rendus les patineurs artistiques les plus médaillés aux Jeux olympiques de l'histoire. Hey, wow! C'est incroyable. Donc, c'est bon, tout pays confondu et tout. Oui, tout est confondu. Hey, pas pire. Alors, on n'est pas les seuls à se lever tôt, Tania, ce matin. Je salue mon nouvel ami de l'autobus que je croise depuis quelques jours et qu'on se met à jaser de tout et de rien. Oh, ben hein? Salutations. Salutations, public de plus. Exactement. Hein, c'est bon. Merci à vous d'être avec nous pour Assemblage requis ce matin. Merci aussi à nos chroniqueurs qui s'en reviennent plus tard. Hein. D'habitude, je fais les remerciements à la fin, mais là, on dirait que je commence par les merci dès le début. Ben, c'est correct. Marc-Olivier Dumas va être avec nous à 8h pour la chronique Espoir et Filoché. Il va nous parler de sport, sûrement un petit peu d'Olympique. J'ai comme une forte impression que oui. C'est pour ça que t'en parles, mais il est pas là. Je te dis. C'est ça. À 8h30, Dominique Nadmavungu pour Voix d'Afrique. On va parler de plein de sujets africains, mais c'est toujours vraiment intéressant. Pas que ça n'a pas l'air intéressant. J'ai dit un mais je ne voulais pas dire mais. Ouais, dire non. Ainsi que. Okay. Et à 9h, Jimmy Thibodeau. Mm-hmm. On va être là pour Gauche Herbe et Vue. Lui qui est de la gauche prend un sujet de la gauche et l'exploite un petit peu. Dit les travers que la gauche peut avoir des fois. Oui. Ça arrive, ça. Et en plus, ta chronique s'en vient. Tania Isgolan-Tutania, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Bien, je vous dirais en fait que depuis les 3 derniers jours, on a l'impression d'être au printemps. Oui, c'est vrai. On a l'impression que ça fond. On a l'impression qu'il va commencer à faire beau dans pas long. Ben, je tiens à vous ramener sur Terre, c'est sûr que non. Non. Mais cette belle température fait en sorte que plusieurs personnes commencent à penser à certains régimes avant l'été. Oui. Et on va parler justement de ces fameux petits régimes-là ce matin. Est-ce qu'on va rappeler aux gens que la shape de plage, c'est la shape que t'as? C'est ça. Puis qui était à la plage. Assume-la. C'est ça. Hein? Oui. C'est ça. Bref, on parle de ça tantôt. Hein? Gaston, il y a un petit glaçon qui est fond. Oui. On n'a pas cette chanson-là, mais non. On a l'impératrice avec un petit flashback d'il y a quelques mois à peine. Je recommence à aller vers l'arrière parce qu'on on tourne en rond dans le parlement. Ben voyons. On s'en occupe pas. L'impératrice, erreur 404 à Assemblage requis. Yeah. L'impératrice, c'est Erreur 404. Je l'aime bien, celle-là. Ben oui, c'est très bon. Oui, ça s'écoute bien le matin. Ben c'est ça. 404, je vous nommerai pas ce que veulent dire chacune des erreurs jusqu'à 404. C'est pas le genre de liste que je fais dans son foutu palmarès. De l'intro de son foutu palmarès, c'est que j'ai le temps de bailler, de me gratter les yeux. Je me suis fait des toasts aussi, je pense. Ouais, ça ressemble à ça. Son foutu palmarès, ça, c'est la chronique où on s'établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et aujourd'hui, en fait, on parle de. Je dirais de choses qui peuvent énerver dans la vie et comment les changer un petit peu. Par exemple, commençons par les problèmes de batterie sur ton téléphone cellulaire. OK. Je sais que tu as un nouvel appareil Android. Ouais, j'adore le fait que la batterie ne meurt pas au bout de 5 minutes. Non, c'est ça. Et as-tu trouvé d'autres défauts de qualité depuis la dernière fois qu'on s'en est parlé? La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était seulement les emojis. C'est encore seulement les emojis, je dirais. Ouais. C'est plate. Ouais. Il y a Samsung qui va changer ses emojis, mais là, t'es pas sur Samsung, t'es sur LG. Non, c'est ça, LG. Bref. Hey, on parle de batterie. Oui. De batterie. Pour ceux qui ont encore un vieux téléphone cellulaire, qui sont pas comme Tania, qui viennent pas de s'acheter un petit téléphone, hein? On parle, en fait, de problèmes de batterie. Oui, c'est ça, si vous voulez faire attention à ça. Commençons par le fait de mettre votre téléphone, évidemment, en mode économie d'énergie. Je pense que c'est assez simple comme conseil, hein? Sur Apple, c'est le mode économie d'énergie dans le petit centre de contrôle qui va descendre qui va se faire automatiquement, en fait, quand tu appuies sur le bouton. Lorsqu'on arrive à 20%, il y a un petit pop-up. Tu peux sinon aller dans réglages et batterie. Pour mettre le bouton comme ça. La plupart des téléphones Android ont aussi la même chose. On peut le mettre en n'importe quand, ce qui va aider à conserver un petit peu de batterie pour durer toute la journée si vous avez un vieux téléphone. Ensuite, on parle de charger intelligemment. Quand on recharge son téléphone, il y a quelques petites précautions à prendre pour pas que la batterie se dégrade plus rapidement que nécessaire. Pour commencer, on dit d'utiliser seulement la recharge rapide quand vous êtes vraiment pressé. Ça, c'est ce qui sert à augmenter votre batterie rapidement. Okay. Mais ça nuit à la batterie plus rapidement que le chargement normal. Si tu as plus de temps, c'est mieux d'utiliser un bon vieux chargeur normal. Deuxièmement, on dit de ne pas charger votre téléphone pendant la nuit. Ça prend seulement quelques heures pour se rendre à la charge complète et le reste du temps va être passé à nuire à la batterie. C'est pas ce qu'Apple dit. Apple, de son côté, dit que le téléphone est fait pour arrêter de se charger, je sais pas pourquoi. Là. Bref, il y avait un article là-dessus que je me rappelle pas. Je me rappelle avoir lu ça, mais ça fait vraiment longtemps. Mais bon. Vous pouvez suivre ce conseil-là si ça vous intéresse. On vous suggère d'éteindre le Bluetooth et le Wi-Fi lorsque vous ne vous en servez pas. Hein? Si Bluetooth et Wi-Fi sont activés mais ne sont pas connectés à rien, votre téléphone va perdre la batterie en essayant de trouver une nouvelle connexion. Donc à la place, la prochaine fois que vous sortez de la maison, vous pouvez éteindre le Wi-Fi pour que votre batterie dure plus longtemps. Même chose pour le Bluetooth. Quand vous n'êtes pas connecté à des haut-parleurs ou des écouteurs, vous pouvez le mettre à off. Vous pouvez contrôler Bluetooth et Wi-Fi dans le menu des paramètres rapides, peu importe votre marque de téléphone. Mais utilisez le Wi-Fi lorsque c'est disponible. De l'autre côté, si le Wi-Fi est disponible, vous devriez l'utiliser. Non seulement est-ce que le Wi-Fi sauve des données, bien sûr, mais ça utilise moins de batterie que la connexion cellulaire. Donc, rallumez le Wi-Fi une fois rendu à la maison. Voilà. Ou sinon, demandez-le à vos amis ou dans un café. Ben oui. Évidemment, activer le mode avion va vraiment aider la batterie. Hein? Si votre téléphone commence à être vraiment faible, vous pourriez appuyer sur le petit bouton avion qui va éteindre plein de choses qui utilisent du courant, dont le Bluetooth et le Wi-Fi. Et quand vous en avez besoin, vous pouvez simplement manuellement quitter le mode avion. Ensuite, évidemment, il y en a qui sont vraiment évidents là-dedans, mais descendre la luminosité de l'écran. Hein, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de l'expliquer, mais la plupart des téléphones permettent d'ajuster la luminosité automatiquement dépendant de la lumière ambiante. Oui. Ça, moi, en tout cas, moi, je préfère désactiver ça parce que des fois, il va se mettre trop lumineux pour rien. Oui, je préfère le mettre manuel. C'est agressant aussi, des fois. J'haïs ça. Donc, ça irait probablement mieux pour vous de le mettre en mode manuel. Ensuite, Ça, c'est un bon petit conseil d'effacer l'application Facebook et d'utiliser votre furteur Internet à la place. L'application Facebook qui draine vraiment beaucoup la batterie. C'est très, très simple de servir de Facebook dans le furteur. Il n'y a pas grande différence. On peut y accéder donc dans n'importe quel furteur et on reçoit même les notifications. En tout cas, moi, j'ai pas vu que les notifications étaient sur les Apple, mais apparemment sur les Android, ce serait peut-être plus... plus approprié pour vous. Donc, pour accès facile, vous pouvez faire facilement un signet vers facebook.com sur votre écran d'accueil. Ensuite, celui-là, c'est un de mes préférés aussi. Ça m'a vraiment aidé quand j'avais une batterie qui fonctionnait mal. C'est d'éteindre le location tracking, la surveillance de votre géolocalisation par application. Des applications qui n'ont pas besoin d'avoir tout le temps la géolocalisation activée. Facebook, genre... Mettons, parce que Facebook, il y a une petite section qui dit que vous êtes en Floride en ce moment. Ouais. Ça sert à quoi pour les gens de savoir ça? Un, et les voleurs vont apprécier. Deux. Oui. Moi, je désactiverais ça assez rapidement. C'est simple. Éteignez la géolocalisation des applications qui n'en ont pas besoin en allant dans paramètres ou réglages, vie privée souvent, service de géolocalisation. Ça dépend sur Android, sur iPhone, mais vous allez trouver facilement location ou géolocalisation. Même chose, un autre très populaire conseil, c'est d'enlever les rafraîchissements en arrière-plan, hein, évidemment. Les rafraîchissements d'arrière-plan. Ouais, donc c'est quand les applications peuvent... faire des téléchargements eux-mêmes. C'est ça, et après ça, quand tu retournes sur l'application, bon, elle est mise à jour déjà. Moi aussi, ça m'énerve un peu, ça. Ben, c'est ça, c'est que ça prend pas mal de batterie pour souvent très, très peu de bonnes raisons. Mais hein? On annule ça comment? C'est dans paramètres ou réglages. Sur iPhone, c'est dans général. Et puis, si je peux te le dire en français. Mais. Le gars, il est tanné de Face ID à chaque fois? Hey, j'ai jamais rentré mon code aussi souvent sur mon téléphone que depuis que j'ai Face ID. Bref. Donc, dans général, c'est dans actualisation en arrière-plan. Voilà. Vous pouvez choisir Wi-Fi et données cellulaires ou rien du tout. Et désactiver les applications. Vous n'avez pas besoin d'avoir la dernière mise à jour dès le départ, là, que ça te dérange pas qu'il se rafraîchisse une fois que tu as rouvert l'application. Tu sais, hein? Mm-hmm. C'est vraiment pas mal une bonne idée, ça, pour la batterie. J'apprécie beaucoup. J'ai désactivé la plupart des applications, sauf celles que je sais qui en ont vraiment besoin. Ensuite, pour les utilisateurs d'iPhone seulement, d'éteindre AirDrop, c'est la fonctionnalité qui vous permet de partager des choses entre deux appareils Apple, donc ordinateur ou téléphone cellulaire. Ça peut gaspiller de la batterie pour rien. Quand vous avez besoin de transférer des fichiers, allumez AirDrop, mais sinon, éteignez-le. C'est dans réglages général et AirDrop. Dans le même principe, un petit peu, d'éteindre Spotlight sur iPhone. Ça, c'est la recherche instantanée pour sauver de la batterie un petit peu. C'est la recherche intelligente qui n'a pas besoin d'être tout le temps active. Donc, Spotlight qui surveille votre activité pour vous montrer les meilleurs résultats possibles quand vous cherchez quelque chose sur votre téléphone. C'est utile, mais pas tout le temps. C'est dans réglages général et recherche Spotlight. On peut aussi enlever certaines activités seulement. Hein, applications, contacts, musique ou tout enlever complètement. Ensuite, pour les deux, Apple et Android, éteindre Hey Siri ou encore OK Google. Hein? Quand son téléphone est à la recherche des mots OK Google ou Hey Siri, dit Siri, il faut tout le temps que ce soit en train d'écouter. Oui. Ça prend de la batterie. C'est pas... moi, je trouve, en tout cas, on n'est pas rendu là encore. En tout cas, ça m'intéresse pas tellement, ça fonctionne pas tout le temps. Donc, allez dans les paramètres de Siri, dans réglages Siri et recherche. Éteignez fonctionnalité d'Siri. Sur Android, c'est dans paramètres voix et détection de OK Google. Vous devriez vraiment voir une différence avec votre batterie là-dessus. Puis honnêtement, si vous désactivez les notifications pour la plupart de vos applications, là, vous allez probablement être reconnaissant d'avoir fait ça parce que vous allez passer beaucoup moins de temps sur votre téléphone cellulaire. Très bon point. Mm-hmm. J'aime ça. Les notifications, bonne idée. Oui. Ensuite, on pourrait éteindre les effets visuels, les widgets et les arrière-plans qui bougent tout seuls sur Android. Surtout sur iPhone, on n'a pas autant de possibilités de personnalisation. Mais bon. Ça bouge. Oui, ça bouge quand tu changes de page. Tu vas voir ton écran bouger un petit peu de place en place. Bref. J'avais pas testé la chose encore. C'est cute, mais c'est pas tout le temps utile. Bref, sur l'iPhone, on peut enlever les effets visuels comme les zooms là, qui pop de l'icône. Tu sais, quand tu cliques sur une icône, mm-hmm. ça va zoomer à partir de comptes, ça va revenir dedans. Donc, c'est dans réglages, général, accessibilité et réduire le mouvement. Android a une option similaire pour les applications, les animations dans les applications. C'est dans paramètres, options de développeur. Et ensuite, on enlève l'option échelle d'animation de la fenêtre, quelque chose comme ça. Tu as les transitions que tu peux désactiver aussi. Et c'est ça, les animations, les transitions. Il y a plusieurs options là-dedans dans les paramètres d'Android. Le prochain pourrait sembler évident aussi, mais on a tendance à l'oublier, c'est d'enlever les mises à jour d'applications automatiques. Je parle pas des actualisations en arrière-plan comme tantôt des applications. Là, je parle vraiment des nouvelles versions des applications qui sont téléchargées automatiquement quand tu es sur le Wi-Fi, ou même il y en a qui le mettent sur le LTE aussi, ce qui prend vraiment beaucoup de bandes passantes pour rien. Tuer les mises à jour automatiques et seulement les faire à la main quand tu es peut-être connecté sur ton Wi-Fi à la maison et que tu as branché ça dans le mur. Donc, tu le fais à la main dans le App Store ou peu importe. Donc, d'empêcher les mises à jour automatiques à la nouvelle version. C'est dans Paramètres, Réglages, iTunes et App Store dans le iPhone. Et ensuite, on enlève les mises à jour automatiques. Et sur Android, c'est dans le Google Play Store. Dans le menu en haut à gauche, on va dans Paramètres, Général et Mises à jour automatiques des applications. Simplement éteindre ça et le faire à la main. C'est sûr qu'il y a beaucoup de mises à jour qui sont pour la sécurité ou pour empêcher, surtout sur Android, de se faire attaquer par un paquet de cossins. Tu te dis, c'était où dans Android? C'est dans le Google Play Store. Ouais. Tu vas dans Paramètres et dans Général. Général. C'est dans Mise à jour automatique des applications. Aha! Aha! Merci voilà. beaucoup, Mathieu. C'est bon de faire ça en temps réel, ça me fait plaisir. Vérifier l'utilisation de la batterie pour voir quelle application utilise le plus de courant. Ça, c'est une très bonne chose à faire pour être sage une fois de temps en temps. Vous n'êtes pas obligé d'obséder là-dessus. Non. Mais dans le iPhone, on va dans Réglages et batterie. On descend ensuite en bas de la page pour voir le pourcentage de batterie que chaque application a pris. Tu peux même voir le temps que la batterie que l'application a passé à l'écran. Sur Android, c'est la même chose. C'est dans Paramètres, Batterie et Utilisation de la batterie pour voir une liste d'applications et de services qui prennent beaucoup de batterie. Donc voilà, c'était une petite liste de 15 conseils pour essayer d'améliorer la durée de vie de votre pile. J'espère que vous en avez au moins appris un dans la liste. On espère. Au moins un, hein? On va continuer dans le même sens, parlant de choses qu'on devrait faire et de d'autres choses qu'on devrait pas faire. C'est une liste des choses pour lesquelles tu payes peut-être trop cher. Aha! Tu sais, probablement... Beaucoup de choses. Un téléphone cellulaire, probablement, serait... Ah, ben, tu sais, je l'ai pris à contrôle. Ouais, ben moi aussi, c'est ça. C'est cher pareil. C'est sûr que oui. Bref, entre les responsabilités qu'on a dans la vie, hein, l'épicerie, l'appartement, les factures, peu importe, ça se peut que ton chèque de paye disparaisse assez vite de ton compte en banque. Voyons. Évidemment, il y a des conseils très très faciles comme faire attention à ces petits achats qui finissent par s'additionner, repenser à tes gros achats. Je dis souvent de faire attention aux montants qui se prennent sur votre carte de crédit automatiquement chaque mois. Faites-vous un petit budget pour ça. Mais bref, il y a d'autres façons qui sont peut-être un petit peu plus cachées. Hein, mm-hmm. Dans votre vie. C'est des trucs américains, donc on va essayer de les adapter à notre public québécois. Mais la plupart du temps, vous allez voir que ça fonctionne quand même bien. Par exemple, les médicaments. OK. Hein, les médicaments génériques qui doivent suivre les mêmes règles que les autres, mais peuvent coûter 40% moins cher. Donc, à la place de gaspiller de l'argent sur un bel emballage, que d'habitude, vous ne voyez même pas de toute façon, quand on vous donne votre médicament original, c'est dans un petit pot de plastique, il n'y a aucune différence. Et c'est la même molécule et les mêmes trucs à l'intérieur, sans le nom reconnaissable. Donc, une marque générique quand vous achetez des médicaments chez votre pharmacien local. Ça vaut la peine aussi de voir si vous pouvez avoir vos médicaments de prescription pour moins cher si vous avez une assurance. Par exemple, moi, ça m'a vraiment pris beaucoup de temps avant de réaliser que, comme j'ai pas d'assurance au travail, il n'y a pas grand-chose non plus, il y a une façon de se mettre sur la RAMQ. Hein? Puis une fois que tu le fais, hein, ils te repayent les dernières semaines ou mois à l'arrière, rétroactivement. Ah ouais? J'ai reçu comme un gros bundle d'argent quand je me suis inscrit à la RAMQ. Donc, surveillez ça. Plaisant. Ensuite, les coupes de cheveux. Oui. Ouais, ça coûte cher, les coupes de cheveux, hein. Mm-hmm. Tu sais, des fois, une vingtaine, trentaine de dollars, ça peut monter. Les filles, c'est quoi, 40, 50, 60? Ouais, ça dépend de votre longueur de cheveux, en fait. Oh! Ils vont au centimètre? Même chose que pour une coloration. Ça va dépendre du nombre de produits qu'ils vont avoir besoin. Je savais pas ça. Même qu'apparemment, dans les grandes villes, ça coûte plus cher que dans les petites villes. Oui. Il y a peut-être plus de gens, plus de demandes. Bref, si vous visitez le barbier, la coiffeuse, le coiffeur, peu importe, aux deux semaines pour garder vos cheveux en forme, considérez donc de descendre peut-être une fois par quatre semaines. Tu sais. Mm-hmm. Même moi, j'avais une fois par quatre semaines pendant un bout de temps, puis j'ai essayé cinq semaines, puis j'ai essayé six semaines, puis finalement, mes cheveux étaient encore corrects après six. Donc, j'irais avec six semaines. Moi, c'est pas mal mon standard, surtout l'hiver. L'été, ça pousse peut-être un petit peu plus vite. Donc, cinq semaines, mais deux semaines, c'est vraiment ridicule. Bref, je trouve... C'est énorme aux deux semaines. Oui, non, ça n'a même pas le temps de pousser. Non, c'est ça. Ça se remarque même pas. Hein? Exact. Tu sais, je comprends les gens qui veulent avoir une coupe de cheveux qui est tout le temps pareil pour pas que ça paraisse qu'ils se font couper les cheveux. Là, ça, je peux comprendre ça. Mais bon, faut pas ambitionner non plus. Ensuite, les frais de ta banque. Oui. J'ai vu l'autre fois un mime qui passait. Si vous payez des frais pour votre banque, magasinez-vous une autre banque. Ben, ça a du sens. Votre compte en banque coûte plus cher que vous le réalisez peut-être, étant donné que ça se prend directement dans votre compte de débit. Des fois, les frais, ça peut être 10$, ça peut être 15$ pour les comptes tout inclus qui ont des transactions illimitées. Moi, présentement, je suis sur un compte à 12 transactions dans une caisse populaire sans nom. Il y en a juste sans une. Nom. C'est ça. Mais sérieusement, ça me coûte 4$, ce qui n'est pas tant que ouais. ça. Sauf que j'ai seulement 12 transactions. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut que tu fasses attention. Je suis déjà rendu à 10, puis on est le 20 février. Mm-hmm. Fait que pour vrai, là, magasinez ça. Il y a des banques qui n'ont pas de frais hein, d'adhésion. Tangerine, exemple. Sont bien fins. Il y en a aussi qui demandent d'avoir un minimum dans votre compte débit pour que vos frais soient effacés, oui. soient gratuits finalement, mais c'est souvent des montants en haut de 1000$ et c'est difficile à tenir pour bien les gens. Bien raison. Mais magasinez ça. N'ayez pas peur non plus de magasiner, hein. Pour vrai, ça prend un petit bout de temps des fois. Il faut que tu passes quelques heures à te renseigner, mais une fois que c'est fait... Ben c'est ça, tu vas être reconnaissant de la chose, je pense. C'est comme pour ton téléphone, on l'a dit plusieurs fois, les trucs comme ça, faut magasiner. Alors ensuite, ça c'est surprenant quand même, mais les cartes cadeaux, vous payez peut-être trop cher pour les cartes cadeaux. Ah oui? Là, vous vous dites, mais quand même une carte cadeau pour 100$, ouais. L'achat coûte 100$. Non, pas nécessairement. Non, il y a des petits frais. Oh oui, il y a des petits frais. Et en plus, il y a des magasins, des boutiques qui vont vous permettre d'avoir des rabais sur ouais. ça. Par exemple, des fois sur eBay, on peut trouver des cartes cadeaux pour Xbox Live et PlayStation Now pour moins cher que le vrai prix. Il y a des cartes d'Apple aussi qui sont vendues des fois en emballage de plusieurs cartes et vous économisez de l'argent au final. Donc, si vous êtes pour donner une carte iTunes à des gens, aussi bien la payer moins cher que son vrai prix. Hein? Mm-hmm. Donc, magasinez ça aussi. Il y a plusieurs endroits pour faire ça. Il y a un site, celui-là, j'imagine, qui doit marcher seulement aux États-Unis. Je vais juste vérifier pour être sûr. Cardcash.com. Il y a sûrement un équivalent canadien, si je peux avoir... ça n'a pas l'air d'être canadien là-dessus. Je vais essayer de voir un .ca pour le fun. Juste pour vous donner une petite raison de plus d'aller voir. Ouais. Non, malheureusement, ça ne marche pas. Mais cherchez, il y a souvent des deals sur les cartes cadeaux. J'en ai vu passer. Ouais. Assez souvent. Ensuite, l'électricité, tiens. Ah... L'électricité. Ça, c'est quelque chose de désagréable à payer. Je suis passé pendant toute ma vie d'un mode de chauffage inclus à un mode chauffage avec Hydro-Québec depuis 2 ans. Mm-hmm. C'est pas le fun. À chaque mois, je reçois un petit courriel, vous avez dépassé votre prévisionnel. Ouais, mais là, c'est quoi votre prévisionnel est fautif alors? Hein? C'est ça. C'est quoi le problème? Bref, il y a des appareils qui sont énergivores, bien sûr. Donc, même quand ils sont branchés, qui sont pas en action, si on veut, ça peut prendre l'électricité quand même, même quand on les utilise pas. L'énergie peut faire une différence. Et si on additionne tous les appareils qui sont branchés 24 heures sur 24, vous allez voir apparemment un grand impact. Selon energie.gov, c'est vampire. D'électricité peuvent ajouter 10% ou plus à votre facture mensuelle. Donc, coupez les coûts en débranchant les chargeurs, les consoles de jeux dont vous vous servez une fois par mois, grille-pain, petit four, etc. lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Tu vois, il faudrait que je fasse ça. J'ai tendance à tout laisser brancher, même mon smoothie maker. Ah, je laisse ouais. tout brancher. Faudrait... Moi aussi, je suis déjà à faire ça. C'est un plus peu. Pratique. Tu sais. Mais oui. Mais surtout bon. Quelque chose que tu utilises à tous les jours, mettons la cafetière. Exactement. Moi, elle est toujours branchée. Surtout celles qui ont une horloge dessus. Hein. Si t'es des branches, ils vont ouais, perdre. Ouais, c'est ça. Les livres. Oui. On est dans une liste de choses qu'on paye trop cher en passant. Donc, les livres, ça... Aller à la bibliothèque, ça peut être quelque chose que vous pourriez faire à la place de payer pour un livre neuf, mm-hmm. si vous êtes pour le lire juste une fois ou deux. Bref, chaque titre que vous ramenez à la maison, ben, c'est de l'argent à dépenser qui, bon, évidemment, certains vont dire « Je veux avoir une belle bibliothèque, je veux me sentir intelligent, je veux pouvoir montrer aux autres que je lis. » C'est oui. souvent une question d'apparence. Souvent, souvent. Parce qu'en tant que tel, le livre, là, hein? est-ce que tu vas vraiment y retourner? C'est... Non, c'est tu ça. Tu veux juste trouver que tu as un beau décor en arrière de toi, tu sais. Avec ton divan, en tout cas. Bref. Si vous êtes du genre à avoir commencé à lire des livres électroniques, ça pourrait être bien aussi, mais ça coûte cher aussi. Il y a plusieurs bibliothèques qui offrent des téléchargements gratuits de livres électroniques. Il y a aussi Amazon Prime qui a une option de partager les livres électroniques oui. avec d'autres utilisateurs de Kindle, mais c'est seulement pour certains titres. Donc, vérifiez ça. Partagez-vous vos livres électroniques. C'est une bonne idée. On a parlé tantôt, j'ai abordé la thématique du téléphone cellulaire. Oui. Tu l'as fait toi-même, tu peux en être témoin. Tu sauves, oui. T'économises combien d'argent versus ton ancienne compagnie On parle d'une quinzaine de dollars. Par mois? Par mois. Imagine. Oui. Pour la même chose? Oui. Le même service et le même réseau, savais-tu? Oui. Que ces deux-là, vous aurez compris de qui on parle, mais quand même, tu sais. Hein? Bref, on peut pas éviter vraiment d'avoir un téléphone cellulaire. On peut pas vraiment éviter d'avoir à payer pour des données parce qu'on veut tous un téléphone intelligent. On croit ça des gens qui ont un téléphone flip, puis on est comme wow. Mm-hmm. Flashback du début des années 2000. Exactement. Bref, une façon simple d'économiser sur votre téléphone, ce serait, nous dit-on dans l'article, de laisser tomber les contrats multi-années. Ah, OK. OK, donc... Mais c'est pas possible, ça, ou... Au Canada, moi, je pense que non. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ça dépend. Il y a des gens qui vont rentabiliser le fait d'acheter un téléphone au complet à plein prix. Ça pourrait être ça, sinon, l'objectif. Moi, je m'étais renseigné, ça me revenait plus cher de l'acheter au complet. Ça me revient beaucoup moins cher d'avoir pris un contrat avec mon téléphone que j'ai en ce moment. Vous savez, iPhone 10. Je suis de même. Je le paye je le paye dans mon contrat. Et à la fin de mon contrat, dans le fond, mon contrat dure 2 ans. Dans un an, ça va me coûter seulement 200 quelque chose de venir fermer mon contrat et de reprendre un autre contrat. Donc, magasinez pour être sûr que ça vaut plus la peine. Sinon, vous pourriez acheter votre téléphone au complet avec votre carte de crédit ou marge de crédit. Ça pourrait valoir la peine, dépendant du téléphone que vous achetez, du forfait que vous voulez, des données que vous voulez. Donc, on peut pas y aller avec une solution pour tout le monde. Mais vérifiez ça, de voir votre téléphone, comment vous le payez. Ensuite, l'assurance de votre voiture, j'y connais rien, étant donné que je n'ai pas de voiture. Ouais. Mais bref, apparemment que une bonne façon de couper dans les frais d'assurance, c'est de magasiner son assurance de voiture. Oui, clairement. Moi, je le sais pour la maison, une autre compagnie caisse populaire que je nommerai pas. Ah ouais, ils sont forts, hein? Oh, c'est cher! Et apparemment qu'ils sont difficiles à convaincre de te donner de l'argent quand t'as à te faire rembourser. Mais bon, ça dépend des commentaires des gens. Hein. Je peux pas vous dire que j'ai pas eu d'expérience avec la réclamation chez eux. Mais bon, présentement, je suis sur une compagnie qui est en ligne seulement. Je pense que les compagnies qui sont en ligne seulement, c'est probablement le futur. Je pense que oui. Comme Tangerine tantôt, qui est gratuit par mois parce qu'ils n'ont pas à payer vraiment, tu sais, à part leur ligne téléphonique 24 heures. Mais ils n'ont pas de locaux à payer. Ils n'ont pas de locaux, ils n'ont pas d'employés à payer au comptoir toute la journée. C'est normal que ça coûte beaucoup moins cher, c'est-à-dire rien. Et sinon, de l'autre côté, la compagnie en ligne, je pense que je peux me permettre de dire que c'est nos amis de... Comment ils s'appellent déjà? Le nom ne vient jamais. J'ai de la misère à le prononcer, même quand c'est la compagnie d'assurance qui est en ligne seulement. On les voit tout le temps. Intact? Non, pas Intact. Ah, Colin! Assurance Canada en ligne. Voyons. Il y a un nom... je me rappelle pas. Bref. Attends, je cherche. Ouais, j'aimerais ça avoir le Google fou aujourd'hui, mais je suis pas là. Bel Air Direct. Non. Non. Clic Assurance. Non. On pourrait passer l'émission là-dessus. Soumission Assurance. Non. Soumission Assurance, oui, c'est ma compagnie préférée. Promutuel. Non. OK. Intact. On l'a dit. On va chercher pendant la chanson à la place. Oui. Donc l'assurance de votre voiture et l'assurance de votre appartement, votre maison. Faites attention à ça. Non. Non, c'est même pas ça. Mots juste. Je suis en train d'aller voir sur mes trucs. La personnelle? Ben non. Je te dis, on pourrait passer l'émission là-dessus, c'est parfait, c'est vraiment, ça. Vraiment, il y a combien de compagnies d'assurance? Ouais. Je viens d'en nommer comme 10 juste en 30 secondes. C'était clairement Sonnet Assurance. Sonnet, hey, c'était mon prochain, puis c'est pas des jokes. On a perdu quoi? Une minute et demie? Je m'en venais. Je sais pas. Bref. Ils coûtent beaucoup moins cher parce qu'ils sont en ligne seulement. Ouais. À mon expérience, encore une fois, j'ai pas eu à réclamer, fait que je peux pas vous faire une critique de Sonnet. J'ai aucune idée si ça va être bon. On verra dans le temps comme dans le temps et j'espère ne jamais avoir à faire une réclamation. Ben, tu vois, je trouve que oui, souvent, c'est beaucoup moins cher les trucs qui sont directement sur Internet. Par contre, j'ai quand même une espèce de crainte par rapport à dire oui, c'est beau, je vous envoie de l'argent, mais je vous ai jamais rencontré en personne. C'est sûr. En même temps, quand tu réclames, est-ce que tu fais vraiment affaire avec une personne que tu as rencontrée? Je suis capable de lui parler au téléphone. La personne à qui t'as acheté l'assurance? Ouais. Ça va être juste quelqu'un là-bas. Compagnie, c'est pas une personne, c'est la compagnie à qui. Ouais, tu peux appeler Sonnet et Tangerine aussi. Oui, mais tu sais, si t'as une problématique, là, tu peux pas te présenter à un bureau. Non, faut que t'appelles. C'est ça. Tu te présenterais au bureau, toi? Ben, moi, c'est arrivé quand j'ai eu mon accident de voiture. On m'a demandé de passer en succursale. Ah. Donc, j'ai dû aller voir quelqu'un directement. Ah ben, intéressant. Tu vois, ce côté-là, sur tout ce qui est offert seulement en ligne, ça me chicote un petit peu. Ah ben. Je me verrais mal faire certaines réclamations sur Skype, ma tante. Hein. En fait, je pense même pas que tu verrais quelqu'un. Je pense que ce serait juste par chat. Ah, parce qu'ils ont un excellent chat et tu peux faire ta soumission en 5 minutes. Mais non, apparemment que Sonnet, oui, fait les voitures. J'ai vérifié pour être sûr que c'était pas seulement les assurances de maison, auto. propriété, copropriété, location et habitation louée, tout est là. Mais bref, c'est pas de la pub pour Soleil. Hein. Mais non. Et pour terminer, on est dans la liste des choses pour lesquelles vous payez peut-être trop cher et pour lesquelles vous devriez magasiner. Hein. C'est pas une question d'être radin ou peu importe, c'est une question de mettre ton argent sur les choses que tu veux payer et non pas sur les choses que t'es supposé, les affaires sages comme les assurances. T'sais. Tu veux pouvoir te payer des affaires de plus sans avoir à mettre ton argent dans le vide dans une grosse compagnie. Et la liste se termine avec quelque chose que la plupart des gens ont, ceux qui ont un appareil non Apple. Un antivirus. Oui. Que ce soit sur PC ou sur Android. Il y en a aussi sur Mac et sur Apple, sur iOS. Il faut le dire quand même que ça arrive qu'il y ait des affaires qui sont pas correctes sur ces deux-là. Mm-hmm. Je suis pas là pour juste vendre leurs produits. Mais il y a plus de virus, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Sur Android et sur PC. Donc, faites attention et puis procurez-vous des antivirus. D'ailleurs, PC World a une liste d'options d'antivirus gratuits qui ne coûte absolument rien. Payez pas pour un antivirus parce que ça fait la même chose. Et souvent, même par expérience, ici même, à la station, on a déjà acheté des antivirus. Et puis, le virus ne voulait pas partir avec cette, cet antivirus-là. Il fallait le désinstaller, en mettre un gratuit, puis lui, il l'a trouvé. Malaise. Fait que c'est ça. Ouais. Plus jamais. Plus jamais. Voilà pour la liste des choses pour lesquelles vous payez peut-être trop d'argent. Les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1206. On s'écoute. Tiens, arrêtez d'être loyaux à vos compagnies. C'est ça l'affaire. T'sais, tu restes avec ta compagnie au logo bleu. Parce que tu dis, c'est beaucoup plus facile, je suis déjà avec eux autres, ils veulent me garder, ils vont me faire des deals si je les rappelle, bon, blablabla. Bla, bla. C'est de la loyauté dans le vide, parce qu'eux autres, ils t'apprécient pas, pente. Tu sais? Ouais. Fait que pourquoi rester loyaux à ces compagnies-là? Ça veut rien dire, mais c'était juste pour enchaîner avec la pièce Loyalty. The King Gizzard and the Lizard Wizard, assemblage Rocky sur les ondes de cette station. Wizard avec Loyalty. Et autour de la pause, Tania, oui. Le printemps, oui. Et les remises en forme. Exactement. Je vais essayer d'écouter ça avant. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Toujours à Assemblage Requis en ce mardi 20 février 2018, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. Dans une vingtaine de minutes environ, ce sera la chronique Sport et Filoché avec Marc-Olivier Dumas. Mais pour l'instant, c'est à ton tour, Tania. Oui. Voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain me. Ça sert à rien d'essayer de tasser tes écouteurs. Je vais chanter quand même. Toi. Ah, misère. M'entendre, tu vas m'entendre dans le studio ou dans tes écouteurs chanter cette chanson-là pour le reste de ma vie. C'est bon. Donc aujourd'hui, on parle de printemps et de remise en forme. Oui, parce que souvent, la remise en forme va venir un petit peu avec cette folie du printemps. Avec le ménage. Le ménage aussi. Même chose, on se dit que c'est un petit peu comme une nouvelle façon de faire une résolution. Mm-hmm. En fait, peut-être si vous n'avez pas réussi à garder votre résolution en janvier, février, là, vers le printemps, c'est ça. Vers le printemps, vous vous dites, oh mon Dieu, l'été arrive, il faut absolument que je travaille. Alors, c'est souvent synonyme de remise en forme, mais qui dit remise en forme ne veut pas nécessairement dire aller au gym, ne veut pas nécessairement dire faire de l'activité physique pour plusieurs et la plupart du temps pour une bonne majorité des femmes. Ça veut aussi dire régime. Ce matin, en parlant de régime comme ça, c'est surtout pour réussir à trouver un moyen de contrer l'effet yo-yo du régime. Ouais. Parce qu'on dit souvent, bon, si tu suis ton régime, puis à un moment donné, t'arrêtes de suivre le régime, automatiquement, ça a un effet yo-yo. Les régimes, c'est pas bon pour la santé, tout le monde le sait, blablabla. Là, il y a une équipe de chercheurs internationales qui se sont concentrés sur, justement, cet effet yo-yo-là, à savoir comment est-ce qu'on pourrait la contraindre. Et on a découvert qu'il y a une partie de notre cerveau qui joue un petit peu le rôle d'interrupteur, c'est-à-dire que ça contrôle, en fait, la combustion des graisses qu'on a dans notre corps, et ça pourrait, justement, si on travaille sur cette partie du cerveau-là, mettre fin à l'effet yo-yo qui est provoqué par les régimes ou encore les grandes famines un petit peu partout. Donc, maigrir rapidement, c'est quand même un souhait, comme je le disais, d'un bon nombre de femmes quand vient le temps du printemps. C'est une des résolutions... Les articles qui disent tout le temps ça. Exactement. En fait, c'est une des résolutions les plus populaires. Si on regarde à côté de « je veux retourner au gym »,« je veux arrêter de fumer »,« je veux moins consommer d'alcool », c'est vraiment là, dans les grandes résolutions les plus populaires. Et c'est la plus populaire des résolutions. Donc, que les personnes soient obèses ou en surpoids ou simplement curieuses de leur image ou soucieuses de leur image, eh bien, souvent, on va se concentrer là-dessus encore plus quand vient le printemps. Parce que, justement, on va commencer à avoir des images de plage. Ouais. On va commencer à avoir des images de bouffe copieuse, de barbecue. On va commencer à avoir des images de costumes de bain. Donc, la plupart du temps, c'est à ce moment-là que les jeunes femmes ou les femmes ou les hommes, peu importe, vont commencer à se dire, bon là, beach body, faut que je travaille dessus, hein? faut que je fasse attention à ce que je manque, à ce que je mange. Donc, il y a une espèce d'arnaque, en fait, sur les régimes amaigrissants qui sont avant l'été et qui souvent arrivent au printemps. La liste des régimes amaigrissants, oui, est actuellement vraiment très importante. Si on regarde ça comme ça, c'est une des choses qui se vend le mieux, en fait. Ça a un bon taux de vente et la grande majorité des régimes donnent très peu de résultats, en fait. On a des conséquences. Si on regarde, par exemple, la méthode Montignac, probablement vous avez déjà entendu parler, vos parents, de cette fameuse méthode-là. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait un livre de ça chez moi. C'est quoi déjà? La méthode Montignac, c'est pas de pain, pas de pâte, c'est les trois P, pas de pain, patate. Pas de pâte, pas de patate, ouais. C'est ça exactement. Il y a le régime dissocié aussi, le régime Duncan, l'alkaline diet, le fameux régime Weight Watchers, ouais. Le régime DASH, le régime Tahiti. Haïti, pour nommer que ceux-là, les régimes sans gluten, la fameuse mode des régimes brûle-graisse ou encore le régime soupe brûle-graisse, le régime Miami, ce sont tous des régimes à ne pas pratiquer n'importe comment, voire pour certains, ne pas se pratiquer du tout, OK? Il faut quand même faire certaines réalisations à ce moment-là, c'est que oui, ça peut avoir un effet yo-yo, mais si on le fait d'une mauvaise façon, ça peut avoir de très graves conséquences au niveau de la santé des gens. Donc, avant de vous lancer dans un régime quelconque là, que vous avez trouvé, par exemple, sur Internet, dans la jungle de Google, bien, on parle de rigueur. Hein? Il faut en parler avec votre médecin ou encore avec votre diététicien, votre nutritionniste, par exemple. C'est une étape qui est quand même assez primordiale parce qu'on veut quand même avoir des nutriments, on veut avoir des protéines et on s'entend que si on fait juste manger de la soupe, Lipton, il y a de fortes chances que tu n'as pas grand protéine là-dedans. Tu sais. Ouais. Donc, il faut parler à une personne qui va être neutre, qui va être sans conflit d'intérêt et avec une des sociétés en charge de faire la promotion ou le marketing de ce fameux régime-là. Oui, tu peux t'informer sur le régime en tant que tel avec une personne de la compagnie, mais il faut quand même que tu regardes le côté santé de la chose et que tu ailles consulter quand même bien que ça soit ton pharmacien. Là, il peut très bien t'aider ou ton médecin. Il y a certains créateurs, certains porte-parole aussi de régimes amaigrissants qui ressemblent plus à des espèces de gourous de secte qui veulent tout simplement vous soutirer de l'argent parce qu'ils vont faire une cote là-dessus. D'ailleurs, les fameux régimes amaigrissants sont pas mal tous inefficaces et dangereux pour la santé dans la plupart des cas. Ça a été rapporté depuis plusieurs années. Il y a plusieurs recherches qui ont été faites. Donc, faites attention avec ça parce que encore plus sur Internet, on en voit. Il y a de plus en plus de gens qui vont endosser un certain mode de régime. Et là, à ce moment-là, c'est sûr et certain que, tu sais, on est tous différents à la base. On n'a tous pas le même système immunitaire. On n'a tous pas le même métabolisme. Donc, on brûle pas nos graisses de la même façon. On n'engobe pas non plus les nutriments de la même façon. Donc, à ce moment-là, un régime ne peut pas nécessairement être miraculeux pour tout le monde. Non, puis faites attention au avant-après aussi. Ça veut même pas dire que c'est une personne qui a utilisé le programme. Ben, c'est ça, exactement. Ces fameux petits régimes-là, ça va tous entraîner une espèce de déséquilibre nutritionnel aussi, notamment parce que les apports nutritionnels qui vont être conseillés sont pratiquement jamais respectés des gens. On se dit qu'on va faire, par exemple, un Weight Watchers, on va rentrer dans cette gamme-là, mais souvent, on va aller chercher des petits à côté où on va dire « Oh non, j'ai pas besoin de faire ça dans le régime, ça vient pas nécessairement me rejoindre. » Pourtant, c'était l'apport nutritionnel que tu avais besoin, donc tu l'as laissé tomber, tu sais. Il y a différentes carences qui sont provoquées. Il y a du stress aussi de devoir tenir une nouvelle routine alimentaire. Donc, c'est à ce moment-là que l'effet yo-yo vient généralement mettre une espèce de coup d'épée quelques mois après une perte de poids. Parce que oui, la plupart, vous allez voir une perte de poids avec ces fameux régimes-là. Ça va se faire la plupart du temps dans les premières semaines. Et là, par la suite, vous allez stagner. Vous allez rester au même endroit. C'est parce que justement, votre corps a besoin d'une carence nutritionnelle qui va être soit plus élevée, soit moins élevée. Vous allez être stressé parce que vous allez réaliser que vous restez pas mal stable à ce moment-là. Et l'effet yo-yo va commencer à prendre son effet. Donc, heureusement, il y a des scientifiques qui ont découvert cette petite partie du cerveau qui joue un peu le rôle d'interrupteur moléculaire dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on va régulariser la combustion des graisses et qu'on pourrait fournir un moyen de contrôler le gain de poids après un régime. On l'a dit, les régimes amaigrissants, l'effet yo-yo, c'est connu de tous. Je pense que c'est pas nouveau. Vous pourriez écouter votre grand-mère. Ben oui. Elle vous dirait qu'elle a déjà essayé un régime quand elle avait 15-16 ans, qui a eu un effet yo-yo, puis qu'elle l'aurait essayé à 30 ans, même affaire, fait qu'elle l'a laissé tomber. Il y a des chercheurs de l'Université Monash, donc du côté de l'Australie, qui ont identifié cet interrupteur moléculaire-là dans le cerveau qui contrôle la capacité du corps humain à stocker les graisses. En particulier après de longues périodes de famine. Parce que souvent, les personnes qui vont se lancer dans des régimes alimentaires vont être les personnes qui ont le plus de facilité à se dire « Ben, je mangerai pas ci, je mangerai pas ça. » Fait qu'on passe une bonne période de notre temps à créer une certaine famine au niveau de notre corps. ou encore une longue période de perte de poids. C'est un processus qui tend justement contre comme l'effet yo-yo qui est causé par un régime. Et les résultats de l'étude ont été publiés très récemment, là, le 13 février, dans une revue scientifique qui s'appelle Cell Reports. Donc, justement, on est en train de réaliser que les protéines, l'expression métabolique d'un corps, bien, tout ça pourrait être relié à cette même partie du cerveau. Il faudrait commencer à regarder qu'est-ce que ça fait au niveau neurologique de faire un régime. Et ces chercheurs se sont posé la question. On s'est penché sur ce beau petit dossier, on a étudié la situation et c'est une découverte majeure en fait qui risque un petit peu de révolutionner la prise en charge de ces régimes-là, parce que être en mesure de contrôler un changement, ça peut être une thérapie par exemple pour l'obésité ou d'autres troubles métaboliques, par exemple le diabète de type 2. Et les scientifiques ont identifié une protéine chez la souris qui est appelée la carnitine acétyltransférase, qui est dans les cellules cérébrales de la faim. Et c'est justement ça qui va régulariser le stockage de graisse après un régime. Donc, on aurait une facilité à pouvoir tout simplement jouer de façon moléculaire avec cette espèce de prise de poids ou encore de perte de poids, mais au niveau cérébral. C'est une manipulation d'une protéine qui va stopper l'effet yo-yo. Lors d'un régime, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre corps brûle plus de graisse pour fournir suffisamment d'énergie. Mais en même temps, notre cerveau se bat pour conserver cette énergie-là. Et dès que la nourriture redevient un petit peu disponible, bien le corps entre dans un processus qui, lui, va brûler et stocker la graisse de façon anormale. Et c'est à ce moment-là qu'on a l'effet yo-yo. Évidemment, selon l'équipe de chercheurs qui se sont penchés sur cette grande question-là, qui est à l'origine de la découverte, bien la protéine serait étroitement liée justement à l'effet où on perd du poids, mais on a besoin de conserver cette énergie-là. Pour obtenir les résultats, en fait, on a développé en laboratoire une souris qui avait cette protéine génétiquement désactivée. Et les souris, lorsqu'elles sont à jeun ou lorsqu'elles sont nourries à peu près comme un jeûne, là, mettons, deux petites graines, c'est tout, bien on consomme les réserves de graisse à un taux supérieur à la normale. L'étude a précisé en fait que les régimes peuvent conduire à un gain de poids parce que le cerveau interprète ces régimes-là comme une sorte de famine courte et on exhorte la personne à stocker plus de graisse pour les pénuries qui vont être futures. Fait que finalement, lorsque tu fais un régime, ton cerveau comprend pas que t'es pas en famine. Ah oui. Et si on réussit à jouer sur cette fameuse protéine-là, bien on pourrait faire réaliser au cerveau que c'est pas en période de famine qu'on est, c'est juste qu'on est en train de stocker moins de gras, mais on a quand même cette énergie-là. Donc, pour la première fois, la protéine dans les cellules du cerveau a été identifiée comme le commutateur, oui, qui indique au corps de remplacer le poids qui est perdu en augmentant le stockage des graisses. Donc, c'est quelque chose qui est gros, c'est quelque chose qui peut sembler quand même assez difficile à comprendre, mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ça pourrait changer le futur de ces fameux petits régimes-là. Peut-être que vous pourriez avoir une nouvelle façon de faire un régime et que ça continue tout simplement sur une bonne période, là, contrairement à ce qu'on voit la plupart du temps. Tu le fais quelques semaines, ça fonctionne pas, t'arrêtes. OK, tu le recommences après une couple de mois. Donc, à ce moment-là, si on travaille sur cette protéine moléculaire-là qui se retrouve à l'intérieur du cerveau, eh bien, on aurait cette facilité à pouvoir la garder sur une plus longue période parce que notre cerveau comprendrait à ce moment-là que c'est pas une famine, qu'on n'est pas en train de se faire mourir de faim. Par la suite, on parlait bien évidemment du printemps, des régimes, des remises en forme. Et je me suis posé la question, la plupart du temps, les gens qui vont avoir, par exemple, au début de l'année, ils vont avoir une résolution de se remettre en forme. On va la laisser tomber vers février, mars. Par la suite, on va essayer de se reconcentrer sur la question à l'avenue du printemps. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ces personnes-là sont jamais nécessairement capables de la garder? C'est qu'on rate notre remise en forme. Et comment est-ce qu'on peut arriver à rater notre remise en forme? C'est très intéressant. C'est un article, en fait, que j'ai trouvé sur lapresse.ca. Parce que ce que je vais vous dire, c'est quand même mot pour mot ce qui est écrit dans l'article. En fait, c'est qu'au début, on a de la difficulté à se fixer des objectifs qui sont irréalistes. On se fixe des objectifs qui sont irréalistes. Ouais. C'est la première étape de comment rater sa remise en forme. Vise pas trop. Et ben c'est justement essayer de tout changer en même temps. C'est une bonne façon de tout faire rater, on s'entend. C'est pas mal dans, comme dans n'importe quelle sphère de votre vie. Donc, pour un enseignant en kinésiologie à l'Université de Montréal, l'erreur classique, c'est de vouloir en faire trop, trop vite. Comme la personne qui décide, par exemple, de commencer à courir de longues distances quand elle a jamais couru 5 ou 10 minutes. T'sais, on s'entend, commence par le commencement, hein? Le bas de l'échelle, s'il vous plaît. Donc, on ne veut pas augmenter le risque de blessure. On ne doit pas non plus avoir de trop grandes distances lors des premières séances. Il faut que ce soit progressif. Et c'est là aussi qui est c'est très important. C'est que si tu veux voir des progrès, il faut que ton entraînement, comme on vient de le dire, soit progressif. Il faut que ça suive tes attentes. Il ne faut pas que tu commences la première semaine et tu penses que tu vas perdre 15 livres. C'est pas comme ça. Par la suite, comment rater sa remise en forme? Bien, s'entraîner trop souvent, trop longtemps. Souvent, les gens vont entamer un programme d'entraînement avec beaucoup de motivation. C'est ça. On va le commencer, on va être vraiment très motivé. On risque d'en faire trop, encore une fois. On va aller trop souvent au gym pendant la semaine. On va rester là trop longtemps. Des gens qui restent au gym un bon 3-4 heures, c'est énorme. C'est beaucoup, OK? Peut-être que vous passez 20 minutes à buvette entre chaque exercice, bon. Là, c'est correct. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que de passer 4 heures à faire un entraînement, c'est trop, trop longtemps. Là. Encore une fois, c'est trop, c'est comme pas assez, tu sais. On s'entend? On a mal partout par la suite et parce qu'on est en douleur, bien, on va rester quelques jours pour récupérer. On n'y retournera pas. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à manquer de motivation pour y retourner à un certain moment. Par la suite, comment rater sa remise en forme en quelques étapes simples? Bien, improviser un plan d'entraînement. Ah, OK. Il faut le prévoir à l'avance. Bien, il faut le prévoir à l'avance parce qu'il y a des gens qui négligent de faire appel à un entraîneur professionnel. On se dit, bah, c'est pas si important. C'est pas tout le monde qui a les connaissances en fait pour établir un plan d'entraînement en vue d'atteindre des objectifs qui vont être spécifiques. Parce que, bien évidemment, on veut limiter les risques de blessures. Donc, un plan d'entraînement, ça doit être adapté à la condition de la personne. Et comme on n'a pas tous la même condition physique, bien, à ce moment-là, c'est quand même assez difficile d'utiliser le même plan d'entraînement que, par exemple, votre chum ou votre blonde, si vous êtes un gars. Déjà en partant, au niveau de la force, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas, le nombre de répétitions ou le nombre de poids que vous voulez lever, tout simplement selon la différence du corps. Donc, ça peut amener des blessures, des faiblesses aux genoux, des faiblesses aux épaules. On va tomber mal en point. C'est de suivre aussi aveuglément les conseils d'un ami. On s'entend. On fait confiance aux gens qui ont l'air d'avoir du succès. Exactement. Hein? Donc, les objectifs ne sont pas nécessairement les mêmes pour tout le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas parce que ton ami s'entraîne depuis 5 ans, lui, il veut se faire du chest puis du pec, que vous voulez la même chose. Ouais. Tu sais, oui, il va pouvoir te conseiller sur lève peut-être pas trop, considérant que toi, tu veux juste définir tes muscles. Si lui, il a l'air de Popeye, puis il veut avoir l'air de Popeye... Avec sa pipe, là. C'est correct, mais si toi, t'as pas nécessairement le goût d'avoir l'air de Popeye, ben fais pas exactement la même chose que lui, parce que c'est sûr que tu vas te ramasser comme Popeye. Ouais. Tu sais, on s'entend, il y a une certaine façon de voir les choses auxquelles... De parler avec quelqu'un qui s'y connaît en entraînement, et quand je parle de quelqu'un qui s'y connaît, c'est un professionnel de la santé, c'est quelqu'un qui va être par exemple un kinésiologue ou quelqu'un qui va travailler au gym. Certains gyms ont des entraîneurs personnels, c'est de justement pouvoir établir un plan avec quelqu'un qui a étudié ça pour la plupart du temps. Ça va faire en sorte que votre remise en forme va être beaucoup plus facile à faire pour vous. Soyez clair aussi, articulez comme il faut, parce que si vous dites Popeye puis qu'il entend je veux avoir l'air de Pouille dans Frippé Pouille, oui, ça pourrait vous nuire. Ouais. En effet. Le cerceau, là. Comment rater sa remise en forme? Faire une fixation sur la balance. Ouais, c'est psychologique, ça. Mais il y a des gens qui sont obsédés, en fait, par la perte de poids, qui vont grimper sur une balance plusieurs fois par jour. Et il y a certains qui vont se peser avant l'entraînement, après l'entraînement, tout simplement dans l'espoir de voir une différence. En temps réel, pendant que tu t'es en... Ben, c'est ça. T'sais, si on perd quelque chose, c'est pas de la graisse, c'est de l'eau. Ouais. Être obsessif sur la balance, ça peut être démotivant parce qu'à un certain moment, tu vas commencer à gagner de la masse musculaire. Et un muscle, ça pèse beaucoup plus. Donc, à ce moment-là, il faut comprendre ta balance. C'est pas parce que c'est marqué, par exemple, 140 que c'est 140 de graisse. Ouais. Peut-être est-ce que t'as passé de 3 mois à travailler sur tes muscles. Donc, à ce moment-là, tes muscles se sont développés. Ce qui est important, c'est de bien se sentir dans ses vêtements, c'est d'avoir la sensation de bien-être et d'observer dans un miroir. Vous pouvez faire les changements aussi avec des photos. La plupart font ça. C'est d'y aller et de voir la progression de ce que vous voulez. Donc, si vous voulez justement gagner en masse musculaire, bien sur une photo, vous allez le voir. Sur la balance, ça reste un chiffre. On met également en garde contre la tentation de limiter la quantité de nourriture. Parfois, les gens ne mangent pas assez. On a un malaise pendant l'entraînement au gymnase. Si on veut perdre du poids, il ne faut pas arrêter de manger. Il faut juste faire les bons choix de nutriments, les bons choix de protéines. À ce moment-là, c'est très important de réaliser qu'il ne faut pas que tu arrêtes de manger pour perdre du poids. Il faut que tu contrôles ta perte de poids et que tu fasses de l'entraînement, que tu fasses tout simplement de l'activité physique. Et vous allez voir, ça devrait déjà, au départ, avoir une bonne façon de faire les choses. Par la suite, il faut pas... Comment rater sa remise en forme? Négliger l'échauffement. On pense que c'est niaiseux. Ça risque de mettre un frein, en fait, à votre entraînement si vous vous blessez, hein? On s'entend. Et comment éviter de se blesser? Bien, c'est de s'échauffer au départ. Donc, ça risque d'entraîner une blessure qui peut être quand même assez grave pour plusieurs. Et c'est un échauffement inexistant ou encore déficient, surtout si l'activité physique est intense. Si vous décidez de, par exemple, je sais pas moi, faire 20 minutes de tapis roulant, vous allez vous faire un petit jogging, mais vous n'êtes jamais échauffé au départ, bien, tirer un ligament, se tordre la cheville. Tu sais, ce sont tous des choses qui semblent complètement stupides, mais qui sont extrêmement importantes si on veut avoir une remise en forme qui va avoir du tonus, en fait, qui va être capable de perdurer, qui va faire en sorte qu'on va avoir une progression. Et il ne faut pas prioriser l'activité physique. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que le motif le plus souvent invoqué pour justifier l'inactivité physique, c'est le manque de temps. Ouais. Il faut prévoir des plages horaires. Il faut se faire un horaire. C'est simplement dit. De se dire, je vais aller au gym quand je vais aller au gym. Tu n'iras pas. C'est pas que tu n'iras pas, c'est que ta remise en forme, elle n'aura pas un progrès normal. Ah oui. Ça va être tout croche. La durée, c'est le nombre de fois. Exactement, ça diminue les chances de réussite. Surtout, au fur et à mesure que les semaines vont avancer, si vous avez un horaire bien défini, je vous jure que d'ici quelques semaines, vous allez voir les progrès que vous avez faits. Si vous allez au gym quand vous allez au gym parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez être capable d'aller au gym, bien vos progrès vont suivre de la même façon que votre horaire de gym. On va voir des progrès quand que je vais voir des progrès parce que je ne sais pas si tu es capable de faire des progrès. Donc, à ce moment-là, on note que l'activité physique, ça se retrouve parfois au bas de la liste lorsque vient le temps d'ouvrir son portefeuille. Si ça fait partie d'une priorité dans votre vie, il faut le prévoir dans votre budget. C'est un petit peu comme notre épicerie, c'est un petit peu... tu sais, pour certains, faire de l'activité physique, c'est pas important. OK, fine. Mais pour certains, c'est important. Hein? Donc, à ce moment-là, il faut tout simplement budgéter ces choses en fonction de ce qu'on veut voir. Et il faut comprendre aussi que la posture, c'est extrêmement important dans une remise en forme. La plupart du temps, les gens vont tout simplement mettre de côté la posture. On va faire quelque chose dans l'espoir que ce soit intense, que ce soit vite fait, que ce soit le plus productif possible. Par contre, il faut faire extrêmement attention à la posture que vous avez lorsque vous faites un entraînement. C'est souvent ça qui va faire en sorte que vous allez voir les progrès beaucoup plus rapidement. Si vous faites, par exemple, un entraînement qui va être de 3 répétitions 15 fois, mais que vous le faites dans une mauvaise posture, bien, il y a de fortes chances que vos muscles comprennent pas le mouvement que vous êtes en train de faire. Donc, à ce moment-là, votre progrès va être beaucoup plus lent. Voilà. Hey boy, hein? Donc, tu l'as dit, on parle à un entraîneur, on parle à un médecin, on parle à c'est quoi l'autre, là? Didier Lucien, c'est ça, on parle à Didier Lucien. Didier Lucien, oh mon Dieu, oui. Didier Lucien. Ouais, ça me plaît ça. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Tania, je suis gonna entertain tous les matins à Assemblage Rocky. On prend une pause et au retour, Marc-Olivier Dumas va être avec nous pour nous parler de sport. De quel sujet, entre autres, Marc-Olivier? On va parler, en fait, de soccer, des Patriotes, volleyball et bien sûr des Olympiques qui sont en cours. Bon, il y a des courses de bobsleigh présentement. Ah bon, hein? Fait qu'on prend la pause pour regarder ça, les amis. Exact. Restez là. Ça et Didier Lucien, au retour. Deuxième heure et plus d'assemblage requis en ce mardi 20 février 2018. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. J'étais en train de regarder parce que c'est les Jamaïcains qui sont présentement en bobsleigh. Marc-Olivier Dumas, Tania Baudin, Mathieu Plante. J'étais en train de regarder, il y a un film, tout le monde connaît le film de bobsleigh jamaïcain, Cool Runnings, qui au Québec... C'est un classique. Au Québec s'appelle, tous ensemble... Oh mon Dieu, je sais aucune pas. Aucune idée. Les apprentis champions. Oh. Oui. Mais en France... Oh non. Oh non. La déception... Rasta Rocket. Oh boy. C'est comme borderline raciste, ouais, pas mal. Ouais, c'est ça. À quel point... Pas juste borderline. Rasta Rocket. Oh mon Dieu. À quel point c'est pas du tout la même chose. Les Français, man. Ils me découragent à chaque fois. Tu sais, c'est pas bon, les apprendre champions, là. Je sais, c'est pas bon. Mais tu sais, Cool Runnings non plus. Mais tu sais, Rasta Rocket. En tout cas, bref. On va en revenir. C'est le moment de parler de sport. Oui. Peut-être un peu de bobsleigh jamaïcain. Peut-être, viennent de terminer leur course. Ouais, ils sont premiers. Ben, ils sont premiers présentement, ouais. Mais il reste encore une quinzaine d'équipes à passer. Et c'est la deuxième vague, donc c'est très temporaire. Ah, oui, mon Dieu, c'est oui. Rasta Rocket. Voici Sport. Toi, le raciste. Bon matin. Ça va bien. Oui, ça va très bien, toi. Absolument, absolument. On parle de sport ensemble, sport local, sport provincial, national, international. Olympique. Par moment. Mais par quoi est-ce qu'on commence aujourd'hui? Aujourd'hui, on va quand même commencer avec nos sports locaux, nos sports universitaires, parce que, bon, je les ai négligés un petit peu dans les dernières semaines. Étant pas là du tout, hein. Ouais, de un et, bon, de deux semaines, je pense que j'avais fait une petite chronique de rien du tout. Ouais, c'était rapide. Pendant le carnaval, bon, j'avais parlé du Patriote, mais il y a d'autres sports qui jouent quand même et qui ont une importance que... Je n'ai pas eu le temps, là, avec le carnaval, j'étais débordé. Fait que on a une arrière-boutique de nouvelles de sport depuis le mois de décembre, c'est ça? Ben non, quand même pas depuis le mois de décembre, là, mais on a à peu près un mois de retard. Bon, OK. On va commencer ça tout de suite, d'abord, hein? Oui, donc on va débuter tout de suite avec le volleyball féminin Division 2, alors que la saison régulière prenait fin la fin de semaine dernière. Bon, on sait que les Patriotes sont très, très fortes au volleyball depuis le début de la saison. Ils étaient 8 victoires et une défaite avant le tournoi de la dernière fin de semaine. Et ils ont connu une très très bonne, très très belle fin de semaine avec 3 victoires en autant de matchs. Une victoire de 3-7 à 1 contre Chicoutimi, victoire de 3-7 à 0 contre l'ETS et 3-7 à 0 contre l'Université du Québec en Outaouais. C'est donc dire que les Patriotes terminent avec une fiche de 11 victoires et une défaite au premier rang. Et donc auront bon, l'avantage du premier rang lors du premier tour qui aura lieu à l'ETS le 16 mars prochain. C'est les championnats provinciaux, c'est les séries éliminatoires en fait. Donc l'UQTR qui va affronter Rimouski au premier tour. Et ils vont, en cas de victoire, on va se le dire, là, on va attendre le vainqueur entre Chicoutimi et l'ETS. Un petit rappel pour dire que l'ETS est la seule équipe qui a vaincu les Patriotes cette année. Et bon, pour avoir parlé avec quelques joueuses, cette défaite-là est venue parce qu'ils avaient fait une cinquantaine de fautes directes. Donc, c'est des points gratuits carrément. Ouais. Ça explique beaucoup. Donc, c'est ce qu'il y en a pour le volleyball féminin. Bon, 16 mars, ça, c'est quand même dans un mois. Là. Ils ont le temps un petit peu de pratiquer puis de perdre leur repère, peut-être. Donc, on veut qu'ils gardent leur repère. Oui, bien, en fait, c'est peut-être le seul défaut de la Division 2, c'est qu'ils jouent à peu près un tournoi par mois. Okay. Ouais. Donc, ils n'ont pas le temps de développer un momentum. T'sais. Oui, ils apprennent à jouer ensemble, pratiquent beaucoup, mais... Au final, tu joues pas tant de matchs que ça. T'en joues 12 dans la saison, mais tellement espacé que des fois, t'as pas le temps nécessairement de créer un momentum, de créer de quoi, comme si tu jouais toutes les semaines. Ouais. Ensuite, du côté du soccer intérieur, autant féminin que masculin, mais en fait, je vais commencer avec le côté féminin, les femmes d'abord. Ben oui, la politesse le veut. Ouais. C'est un début de saison qui est plutôt ordinaire du côté féminin. C'est 4 défaites en autant de matchs. On a marqué seulement 3 buts contre 13 accordés. La fin de semaine dernière, on jouait contre les Carabins de Montréal et c'était une défaite de 2-0. La semaine précédente, défaite de 3-1 contre Laval. Donc, ça va pas très bien du côté des Patriotes féminines. La bonne nouvelle, c'est que toutes les équipes ont les éliminatoires. Hey! Oh! Tout le monde gagne! Youpi! C'est ça! Ouais, à peu près. Fait que, ce que ça veut dire, c'est que même si les Patriotes finissent avec aucune victoire, bon, c'est peut-être pas bon pour le moral. Non. Mais ils peuvent gagner le tournoi, le championnat, peu importe, en même temps. C'est ça. Mais en terminant 7e, on affronte quand même l'équipe qui est deuxième. Ouais. L'équipe qui est deuxième présentement, c'est Montréal. Ou probablement Laval qui a un match de plus, mais un nul. Dans tous les cas, c'est deux équipes qui ont déjà battu les Patriotes. Donc, tu sais, ça s'enligne quand même pour une commande assez difficile. Mais comme qu'ils disent, pour gagner un tournoi, il faut battre les meilleures équipes. C'est ça. Hein? Donc, wow. C'est comme ça. Ils ont des beaux petits proverbes dans le sport. Hein? Ben oui, mais c'est comme ça que ça marche pareil. Du côté masculin, la saison, le début de saison était plus ordinaire. On avait connu un peu des ratés en début de saison. Là, on s'est très très bien repris. D'abord, un match nul de 3-3 contre l'ETS le 4 février dernier. On a enchaîné avec une victoire de 2-1 contre l'Université Laval la semaine dernière. Et la fin de semaine qui vient de passer, c'était une victoire de 3-0 contre les Carabins. Donc, c'est 7 points sur une possibilité de 9 dans les 3 derniers matchs. C'est très très bien. Donc, l'UQTR maintenant pointe au 3e rang avec un total de 8 points. C'est un point de plus que les Redmen de McGill qui ont par contre un match en main. Donc, tu sais, ça peut encore bouger. Mais présentement, les Patriotes au 3e rang. Donc, auraient un avantage, eux, au premier tour, affronteraient une équipe entre parenthèses, je dis bien entre parenthèses. Tu mets des guillemets, mais bon. Hein, oui, je mets des guillemets. Mais toi, tu le vois, mais le monde ne le voit pas. Donc, c'est pour faut ça le dire, faut le dire, c'est important. Pour ça, je le dis. Autre sport, hockey, bon, c'est confirmé, les Patriotes ont manqué les éliminatoires. Ils ont terminé dernier. Ils vont se rappeler de cette année-là longtemps, je pense. Mais en fait, oui et non, parce qu'on avait une très très bonne saison. Si on enlève la grosse nouvelle qui est tombée et qui m'a forcé à venir vous parler pendant le carnaval. C'est ça, la grosse nouvelle de forfait à rebours. Oui, c'est ça, où on avait dû déclarer forfait pour 17 matchs, si je me trompe pas. Pour une règle bureaucratique. Oui, à peu près. Donc, les Patriotes qui terminent au 10e rang n'ont pas fait les séries éliminatoires. Les éliminatoires qui ont débuté la semaine dernière. Et bon, McGill s'est qualifié facilement. Carleton s'est fait surprendre par Ottawa, donc c'est McGill qui affrontera Ottawa au deuxième tour. La série commence demain et Queens affrontera Concordia. On n'a pas encore les dates pour cette série-là, mais ça va être dans les prochains jours. Mm-hmm. Mais un peu décevant quand même pour les Patriotes parce qu'on avait quand même une belle saison et bon, au final, ça se termine comme ça. Faut se retrousser les manches et l'année prochaine, on espère que ça va être mieux que... Ils vont tellement faire attention l'année prochaine pour pas qu'il y ait quelque chose comme ça. Ils vont tout faire au pied de la lettre. Oui, c'est la première fois que ça arrive. Puis je pense que c'est une méconnaissance du règlement, une méconnaissance du statut du joueur qui a fait qu'ils ont comme pas respecté les règles. Et là, ils ont été demandés ben, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là. Et c'est là que se sont fait avoir. Mais je pense pas que c'était pour mal faire. Non. En tant que tel. Bon, c'est sûr que c'était pas pour mal faire, c'était pas pour tricher, mais les règles sont les règles au final, donc... C'est ça, pourquoi avoir des règles, c'est pas pour les suivre, hein? Exactement. Pour poursuivre, ça fait un peu le tour du sport universitaire, parce que, bon, le badminton est terminé, natation, c'est pas tout de suite, et... bon, là, OK, c'est terminé, obviously, puis le cross-country, c'est terminé. Ouais. Donc, on va passer maintenant aux Jeux olympiques, et... Je me souviens plus combien je vous avais prédit de médailles au début. Ah, je pense que c'était 7 médailles d'or avec à peu près 23 médailles, si je me trompe pas. Ouais. On est jour 11, si je me trompe pas. Il reste encore un peu moins d'une semaine, il reste 5 jours à peu près. Et le Canada, depuis le début, a déjà 8 médailles d'or, donc ils ont déjà dépassé ma prédiction. Des prédictions qui sont vraiment comme la référence. Pas du tout. Non, c'est ça, vraiment. Et 19 médailles au total. D'accumuler, donc 8 d'or, 5 d'argent et 6 de bronze. Bon, des médailles assez sûres, entre parenthèses. Bon, Michael Kingsbury n'a pas surpris le monde en remportant sa médaille d'or, on va se le dire. Ouais. Y a-tu quelqu'un qui s'attendait réellement à ce qu'il ne gagne pas l'or? Ben, à un certain moment, je sais pas pour toi, mais si t'as regardé les qualifications, ça a pas été le plus facile non plus. Ben, j'ai vu les qualifications. J'ai vu les finales d'avant la finale parce que c'est bizarre, là. Il y a trois finales. T'as la finale 1, finale 2, finale 3. Exactement. Ça te tente pas de dire quart de finale, demi-finale, finale? En tout cas. Tu sais, anyway. Mais souvent, ces skieurs-là se réservent un petit peu avant la finale. Tu sais, ils vont en mettre un petit peu moins, vont moins pâter la galerie, vont faire ce qui est nécessaire de faire pour se qualifier. Merci, bonsoir. Et là, vont épater la galerie en finale. Ça sert à rien de se vider pour rien puis d'essayer de tout montrer son arsenal en demi-finale. Ça compte pas rendu en finale. Non, c'est sûr, mais ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'est que dans une épreuve de boss comme celle-là, surtout du côté de Pyeongchang, on était dans le début des Jeux. Oui. La température était incroyablement dégueulasse. Oui. Puis il y a plusieurs chutes qui se sont passées sur des gens qu'on croyait qu'ils allaient même pas chuter. Donc ça aurait pu très bien arriver à Michaela Kingsbury. Définitivement, puis c'est pour ça que c'est important dans les rondes de qualification qu'on prenne un peu plus notre temps, ouais, qu'on soit un peu plus conservateur, quitte à pas finir premier au final. Comme je le dis, que tu finisses premier ou sixième dans la demi-finale, tu fais quand même la finale. Mm-hmm. Donc ça change rien. Kingsbury, il sait qu'il va la faire à la finale. S'il fait juste terminer la descente de manière correcte, c'est le meilleur. Donc il sait qu'il va se qualifier. C'est pas un enjeu. Donc à ce niveau-là, fais un peu plus attention et ça va bien aller. Et c'est ce qui est arrivé. Du côté féminin, c'est Justine Dufour-Lapointe qui a remporté une médaille d'argent. Mm-hmm. Bon, on n'a pas réussi à défendre son titre olympique, mais malgré tout, une médaille d'argent, c'est très très bon. Depuis le début des Jeux, on a deux médailles d'or aussi en patinage artistique. Ouais. Et d'ailleurs, Patrick Chan a remporté avec Gabriel Dallemand. Et Tessa Virtue et Scott Moore ont remporté la médaille d'or cette nuit. Et très très belle performance, surtout dans le programme court où ils ont eu un record du monde pour le plus de points. Donc des très très bonnes. Est-ce que vous regardez en différé ce qui a lieu la nuit? Est-ce que vous peux le re-regarder sur Internet? Ouais, mais personnellement, je n'ai pas vu autant que je voudrais. Je trouve ça plate un peu, mais c'est ça. C'est dur avec la nuit, tu sais, les épreuves ont lieu dans la nuit, je suis plus un oiseau de nuit, donc La vie change, hein? Oui, c'est ça. Sinon, autre médaille d'or à notre collègue Samuel Gérard. Oui, oui, Paul, ben oui. Samuel Gérard de Matière Noire et... C'est ça la blague, notre collègue. Malheureusement pour lui, parce que Colin, il a du succès, ça, Samuel Gérard. Il joue dans la Ligue nationale de hockey, il gagne des médailles d'or aux Jeux olympiques, il fait de la radio. Il Twitch. Il est multi-polyvalent. Quand est-ce qu'il dort, je ne le sais pas, mais Samuel Gérard... On fait des blagues, là, c'est pas vrai. Là, non. Donc, Samuel Gérard qui a remporté la médaille d'or au 1000 mètres. Déception du côté de Charles Hamelin qui a chuté. Mais je vous en ai déjà parlé un petit peu, patinage de vitesse courte piste. C'est pas une épreuve que j'adore réellement. Oui, c'est exceptionnel la vitesse qu'ils vont, mais c'est tellement de poussage et de petits règlements ici et là. Marianne Saint-Gelais qui s'est fait disqualifier parce que elle aurait poussé. Tu sais, il a recommencé la course. Tant qu'elle a disqualifié, il fait juste recommencer à tout le monde, là. En tout cas, c'est mon opinion par rapport à ça. Ouais. Mais bon, elle s'est fait disqualifier, perdu une chance de médaille. C'est des épreuves comme ça. Je pense qu'il reste encore le relais aux courtes pistes. Donc peut-être le relais femme s'est passé ce matin. Le Canada a été disqualifié. Bon, encore. C'est la première année qu'on n'a pas de médaille au relais avec les femmes. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? C'est les Coréennes qui ont gagné, en fait, l'épreuve. C'est encore une histoire de pousser une autre. OK. Ben c'est ça, c'est une épreuve que j'aime pas pour ça. Il y a trop de petits règlements de poussée, puis tu sais, je comprends que tu veux pas te pousser, mais c'est pour ça que je préfère le patinage de vitesse longue piste. Définitivement, ils vont beaucoup plus vite et il y a pas de contact jamais. Et parlant de patinage de vitesse longue piste, on a record du monde et médaille d'or, c'est Ted Jam Blueman qui a fait une très très belle performance, a remporté l'or. Je pense son plus proche poursuivant était à 3 secondes et après ça on parle d'une dizaine de secondes derrière là. C'est quand même 10 000 mètres, là, c'est une longue distance, mais c'est assez impressionnant, une belle médaille d'or. Sinon, on a remporté une médaille d'or aussi au bob à deux masculin, Justin Cripps et Alexander Kopacz. Et là, présentement, on est en train de regarder le bobsleigh bob à deux féminin qui débute. C'est la manche 2 présentement qui est en cours, c'est 4 manches, donc il en reste encore beaucoup. Et finalement, l'autre médaille d'or, c'est Caitlin Laws et John Morris en curling double mix. C'est assez spécial comme curling. Je sais pas si t'as vu... C'est nouveau, ouais. Oui, ben c'est nouveau, mais en fait, habituellement, le curling sont à 4. Ouais. Là, c'est 2. OK. Donc, lance la pierre, et après ça, la personne qui a lancé se lève et va brosser sa propre pierre. Ah oui? Oh, oui, c'est... Ah ben, c'est pour ça les dopages. Pour ça, non? Non, c'est pas dans celle-là. Non, OK. Mais c'est très particulier. Et bon, il y a encore plusieurs espoirs de médailles du côté canadien. On est encore présent... le hockey féminin, pour commencer, c'est la finale Canada-États-Unis. Classique. Mm-hmm. Ben oui. Classique des Jeux olympiques. Je pense que, rendu là, on pourrait juste mettre ces deux équipes-là en finale, faire un tournoi pour la médaille de bronze. Puis... Battez-vous pour les restants. Ah, exactement. On perd notre temps. Sérieusement, là... On perd notre temps. C'est pas vrai. La Suède a surpris les Américaines, là, 8 ans, à Vancouver, si je me trompe pas. Mais, excepté ça, il y a pas de tournoi. Du côté masculin aussi, c'est quart de finale. On attend maintenant le gagnant entre la Finlande et la Corée. Donc, on attend la Finlande. Ça ressemble à ça. Ouais. À moins d'une grosse surprise, on attend la Finlande. Du côté du curling, encore des espoirs de médailles. Un tournoi qui ne va pas comme, je pense, nos curlers canadiens le souhaiteraient. Omen s'est quand même bien replacé. Après 3 défaites pour débuter le tournoi, elle a maintenant 5 victoires consécutives. Donc 5 victoires, 3 défaites. Elle est présentement 2e. Du côté masculin, c'est plus difficile. Présentement au 7e rang avec une fiche de 3 victoires, 4 défaites. Il reste encore 2 matchs, dont un contre la Grande-Bretagne, qui est présentement 5 victoires, 3 défaites, qui est présentement au 3e rang. Donc si le Canada remporte 2 matchs, aurait quand même une chance de se qualifier pour les demi-finales. Mais c'est pas un tournoi très très bon du côté masculin. Habituellement au Canada, on a comme des standards au niveau curling, puis sont pas mal en deçà des standards présentement. C'est sûr, tu sais, c'est un tournoi olympique, il y a de la pression, tout ça, et c'est des patinoires que probablement les curlers ne connaissent pas. Et ça joue pour beaucoup. Tu sais, jouer sur une patinoire que t'as jamais joué, même dans d'autres compétitions, ben des fois la patinoire réagit pas de la même façon, tu rates des coups. Puis c'est peut-être une des raisons pourquoi la Corée du Sud présentement est première du côté masculin. C'est peut-être une connaissance un peu plus poussée de ses propres patinoires. Parce que tu le vois quand les championnats ont lieu au Canada, les Canadiens sont juste trop forts. Et même dépendamment de la province, pour le tournoi des cœurs puis le Brier, souvent la province qui est receveur, soit l'Alberta, l'Ontario, Colombie-Britannique, les grosses provinces de curling, on va se le dire, là, souvent sont avantagées parce qu'ils jouent dans ces clubs-là régulièrement. Donc, ils connaissent un peu plus parce que les patinoires sont pas toutes égales. On voudrait croire qu'ils sont toutes égales, mais des fois, il y a une petite différence dans la façon que la glace... Bon, la façon que la réfrigération est faite, donc la glace est tenue, donc les lignes sont un petit peu différentes. Et des fois, ça fait... une toute petite différence à ce niveau-là. Donc, c'est à suivre. Est-ce que le Canada, du côté masculin et féminin, va pouvoir se qualifier pour les demi-finales? J'espère bien, mais c'est pas garanti. Donc, comme je dis, il y a encore plusieurs espoirs de médailles à ce niveau-là. Présentement, au tableau des médailles, c'est la Norvège qui trône au sommet avec 11 médailles d'or, 10 d'argent, 8 de bronze, c'est 29 au total. L'Allemagne est 2e avec 11 médailles d'or, elle aussi, 7 d'argent, 5 de bronze. Et bon, je regarde le tableau, il est encore fait tout croche. Bon, Radio-Canada. Mais taxes! Ouais. En fait, c'est pas Radio-Canada, c'est juste au Québec, je sais pas, on dirait qu'on ne comprend pas comment faire un tableau des médailles, que c'est l'équipe, le pays qui a le plus de médailles d'or est première, et pas l'équipe qui a le plus de médailles. Ah, ok, ah. Ben, c'est juste logique, je veux dire, c'est qui a gagné le plus d'épreuves? Ouais. Non, mais y a pas, je sais pas. Ben, c'est qui a gagné le plus d'épreuves? C'est ceux qui ont le plus d'or. Oui. Donc, logiquement, c'est eux qui devraient être premiers. Non, c'est pas une question de l'or vaut plus que l'argent, qui vaut plus que le bronze dans ces pointages-là, non? En fait, l'or, le premier discriminatoire devrait être l'or, celui qui a le plus de titres olympiques. Okay. En cas d'égalité, l'argent. Ah, puis en cas d'égalité, le bronze. Okay. C'est pas 3 points pour un or, 2 points. C'est il donne trop de valeur aux médailles qui sont pour toi pas importantes parce que c'est pas les gagnants, c'est ça? Ben en fait, c'est ça. On veut savoir c'est qui a gagné le plus d'épreuves olympiques. Présentement, c'est la Norvège et l'Allemagne avec 11 chacune. Égal. On va au deuxième, l'argent. Bon, c'est la Norvège qui en a 10 contre 7. Norvège est en haut. Mais si tu regardes plus loin, présentement, la Russie les place au 7e rang, mais ils n'ont aucune médaille d'or. Mais pourquoi tantôt t'as dit genre « Ah, le Québec, c'est pas comment faire un tableau, c'est pas le tableau mondial des Olympiques? » Non, non, non, si tu regardes le tableau français... Vrai? Oh, oui. Ah, là, il faut une cohérence là-dedans, une cohésion. Ça devrait être un tableau pour tout le monde. Ils font chacun leur tableau, hein? Oh là là. Et ben, hey, tes connaissances en sport sont poussées, mais pas assez poussées pour être disqualifiées. Non. Merci Marc-Olivier Dumas. J'essaie de faire attention pour me faire disqualifier là. J'ai pas trop du coude. Touche pas, Tania. Touche pas. Risque de disqualification, hein. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que merci. Parce que sinon, les seuls autres gags que j'avais, c'était genre, ouais, Marianne Saint-Gelais, on sait bien, elle apporte Saint-Gelais. Fait qu'elle a chaud tout le temps. Oui. Mais pendant que tu dis des blagues plates, t'as le Canada qui est en train de descendre au bobsleigh. Ça va très, très bien. On vient de passer la ligne d'arrivée et on est première avec 42 centièmes d'avance. Donc, bon, c'est temporaire aussi, mais c'est une très, très belle descente de la part des Canadiennes. Et c'est sur ce que je vous quitte. Bonne journée, bon travail et merci de faire que les gens n'ont pas besoin d'aller écouter Radio-Canada. S'il n'y a même pas de taxes, rien, c'est grave. Merci, Marc-Olivier Dumas. À la semaine prochaine, toujours les mardis à 8h pour la chronique Sport et Filoché. On écoute une chanson, oui, qui prouve que les choses changent, un peu comme la remise en forme, le printemps, les jeux, les médailles. Tout change tout le temps. Donc voici Things Change de Busty and the Bass. Assemblage, rock. Since decade was a dream, nothing was everything for who we used to be. Silver couch, iron slice laid out on my way. The yesterday was ours. Tell me, would you stay the same? Get your ride taking us away for sacred days, but you know that things can change. Things can change. Puffed up nosedive, stick around, we may. These wasted days, cause we know how soon things change. And I'll just slip away. We know how soon things change. Rusty and the Bass avec Things Change. Retour, c'est Voix d'Afrique avec Dominique Note Mavungu. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Allô, Maude, et du pouvoir dans Sablage Requis. Ah oui, nous on a le pouvoir d'amener n'importe quel chroniqueur qu'on veut avoir, et en ce moment, on veut avoir Dominique Note Mavungu et Voix d'Afrique. Bonjour Mathieu. Bon matin. C'est Voix d'Afrique qui commence avec toi chaque semaine. On se renseigne sur pas mal de choses qui se passent sur le continent africain dans pas mal tous les domaines. C'est exactement dans des domaines assez variés en fait. toujours. Et, ouais, j'essaie de voir ça. Tu réussis. T'essayes, tu réussis. Rien qui essaye, qui échoue, on reviendra pas à ces Olympiques. Non. C'est ça. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, on va déjà commencer par parler d'application, en fait. Oh. Donc, c'est une application qu'on appelle Appel. Elle a été mise en... Qu'on appelle Appel. Donc, App pour application et L. Donc, L, 2LES pour femme. Donc, ah. L. Donc, c'est Appel. Et donc, c'est une application qui a été mise en place par une Sénégalaise du nom de Diarata Ndiaye. En fait, c'est pour lutter contre les violences qui sont faites aux femmes. Et donc, déjà... Elle a mis en place cette application-là en France parce qu'elle trouvait qu'il y avait énormément de personnes, énormément de femmes et tout qui se faisaient agresser et tout. Et généralement, ce qu'elle remarquait, c'est que la plupart, elle n'appelait pas la police et tout. Elle préférait garder ça sur silence et tout. Et donc, elle a mis en place cette application qui permet de contacter, mettons, disons, 3 contacts à l'aide peut-être d'un simple bouton et tout, de leur envoyer déjà ta localisation GPS et tout et comme un message d'aide. Et ça permettait en fait de pouvoir prévenir ce genre d'agression et tout. C'est si la femme peut-être se retrouve dans une position peut-être un peu difficile, elle peut tout de suite partager sa localisation, tout de suite essayer de faire appel à peut-être de ces personnes qui vont peut-être lancer un signal soit à la police ou soit à d'autres autorités. Très bonne idée, ça devrait être quelque chose qui est standard sur le téléphone, ouais, mais oui, ça. Il faut une application. Et on espère ne pas avoir à s'en servir. Non, surtout pas, mais... Si tu fais confiance, ça fonctionne, on est sûr qu'elle fonctionne. Mais je ne veux pas cliquer sur le bouton. Non, c'est ça. C'est ça, mais après, voilà, moi je trouve que c'est vraiment une bonne initiative et elle pourrait être reprise même à l'échelle partout dans le monde parce qu'il y a certains pays où il y a le nombre d'agressions, le nombre de viols aussi, de violences faites aux femmes est peut-être plus élevé que d'autres. Et puis je pense que ça peut être aussi un outil pour venir réduire à ce moment-là ce taux-là en fait. Parce que la criminalité aussi elle augmente, ça peut faire réduire ça. Et déjà que si les agresseurs et tout prennent connaissance au moins de ces moyens-là, ça peut faire en sorte qu'ils puissent, ils décident comme... Ça peut-être réduire. Moi, je dis pas que ça viendrait comme... Mais si ça en enlève juste un, au moins, c'est déjà une victime de moins, tu sais. Voilà, exactement. Voilà, au moins, ça va faire un nombre de victimes en moins. Et puis, voilà, moi, je sais que ça comment dirais-je, ça permettrait pas à... Comment dire? Je trouve que ça conscientise au moins les gens au fait que la femme va peut-être avoir cette application-là, donc tente pas ta chance. Ouais. C'est comme un petit collant d'alarme, ça apporte. Tu sais, système d'alarme, on se comprend. Oui, ouais. Oui. Ouais, exactement. C'est comme un petit système d'alarme. Et puis, elle a imaginé cette application-là, en fait, et aujourd'hui, elle démarrait avec comme une campagne de socio-financement, en fait, où elle avait comme pour but de mettre en place à la place un bracelet d'alerte connecté. Ah oui, ah, ben oui, bonne idée. Elle trouvait que c'était un moyen plus efficace d'alerter aussi les personnes, ouais, à la place du téléphone parce que, t'sais, mettons que... T'es en train de faire, t'sais, un viol qui se passe en ce moment, là, ton téléphone, tu l'as pas nécessairement dans ta main, t'sais. Ouais, exactement, en fait. Ou peut-être que tu te l'as fait tout simplement voler. Ouais, ou aussi, ouais, c'est ça. Ou le arracher. Gars peut savoir, justement, pour pas qu'elle appelle à l'aide, je vais voler son téléphone. Mm-hmm. Elle a son bracelet, le gars, il s'attend à rien, t'sais. Exactement. C'est bon, ça. Ouais, vraiment bon. J'aime ça. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne initiative et tout. Donc, là, ça va prendre quand même, c'est sûr, ça prendra quelque peu de financement pour pouvoir, mener à bien ce projet-là. Mais en tout cas, ça a un très bon potentiel et puis c'est quelque chose à suivre de près et tout. Ça coûte cher, ces choses-là, l'application, le bracelet, matériel, logiciel. Oui, exactement, en fait. Mais c'est vu que c'est pour la bonne cause et tout. Et puis, bon... Déjà, pour mettre en place ce projet, c'est sûr que ça prend un peu de fonds et tout, dès le départ. Donc, on espère que ça pourra être mis en place assez rapidement, en fait. Faut de l'argent et quelqu'un qui a une vision. Et clairement, je pense qu'elle a une vision de ce que ça pourrait être. Oui. Voilà. Donc, c'est pas mal ça, en fait. Donc, ensuite, on va passer un peu au niveau du sport. Mm-hmm. Donc, au niveau du sport, on va parler un peu de... Je vais commencer d'abord par le basket, cette fois-ci. Parce on n'a jamais parlé de... Est-ce qu'on a déjà parlé de basket? Je pense que non. Non, je pense pas. Non. Non. On commence maintenant. C'est une première. Donc, la semaine dernière, il y avait ce qu'on appelle aux États-Unis le All-Star Game. Oui. Mm-hmm. Donc, c'est mettons, un week-end, un All-Star Week-end. Et pendant ce temps-là, il y a comme un mix, déjà un match où il y a différents joueurs de différentes équipes. Ouais, c'est les meilleurs de chaque. Voilà, les meilleurs de chaque équipe qui sont mis ensemble et tout. Et puis cette édition, en fait, il y a un Camerounais évoluant en NBA, il s'appelle Joel Embiid. Okay. Il joue pour l'équipe de Philadelphie. Il a participé à ce match-là, en fait, dans la team, je crois, Curry. Qui, bon, malheureusement, ils n'ont pas remporté la victoire à la fin du match. Ça s'est joué comme à peut-être 3 points, 3 ou 2 points, en fait. Mais moi, j'ai trouvé ça réellement intéressant. Parce que déjà de voir au moins, parce qu'il y a de plus en plus de personnes d'origine africaine qui jouent et puis qui étaient dans cette équipe, comme Joel Embiid, mais il y avait aussi un autre joueur, Oladipo, lui il est d'origine nigériane, mais je pense qu'il a peut-être vécu aux États-Unis et tout. Et ensuite aussi Giannis, lui il est grec, mais il est aussi d'origine africaine, je pense nigériane aussi. Et voilà, ça fait plaisir de voir aussi certains représentants aussi de l'Afrique aussi représentés au niveau du All-Star Game et tout. Et puis surtout qu'ils jouent aussi. Donc ces joueurs-là sont des exemples pour d'autres jeunes Africains qui veulent eux aussi se lancer peut-être dans une carrière sportive, qui veulent les ressembler. Donc, eux aussi veulent faire 7 pieds 2 un jour. Mange tes carottes. Là, je pense que ça en prend des carottes. Hein. Ouais, ça en prend pas mal de carottes. Parce que oui. Donc exactement. En fait, tu vois, tu risques de virer orange peut-être. peut-être président des États-Unis un jour. Peut-être. Bref, si on disait basketball, oui. Ouais, donc on parlait de ça. Mais aussi. Au-delà de ça, le All-Star Game, c'est un concept en fait qui devait être repris aussi, moi je pense, dans d'autres sports en fait. Ouais. Et moi jusqu'à présent, je comprends pas pourquoi au niveau du soccer on fait pas ça plus souvent en fait. Ouais, pour vrai, ça fonctionnerait super bien, c'est sûr. Sauf que ça fonctionnerait bien. Le meilleur de toutes. C'est ça, de toutes, même chaque niveau régional et tout, ça peut être très intéressant en fait, de faire un peu des petits événements comme ça et tout pour des revenus additionnels. Ouais. Donc moi je pense que ça viendrait peut-être aider nos athlètes locaux et tout, tu vas avoir de la visibilité parce que si tu as bien performé au long de la saison, être associé avec à d'autres joueurs et tout, moi je pense que même pour les entraîneurs, c'est mine de rien, le All-Star Game, ça permet aussi aux entraîneurs de pouvoir, au moins voir leurs joueurs évoluer avec d'autres joueurs. Tu sais, ça donne des idées même de transfert et tout. Ah ben oui. Mais lui, apparemment, les deux combinent bien. Il joue bien avec celui-là, ouais. Et tout, il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose. Et ça fonctionne bien pour les téléréalités avec les versions All-Stars. En même temps qu'ils ne fassent pas comme les téléréalités puis mettre des versions avec des vedettes. Jouer au basket avec des vedettes, là, non, ça ne marcherait pas. Pas sûr. Genre Arnold Schwarzenegger qui joue au basket, là. Ça marcherait pas. Ouais, donc ça dépend. Mais en marge de ça, en parlant de basket, il y avait aussi un match aussi des célébrités et tout. Bon, tu vois, il fallait que j'en parle. C'était qui les vedettes? Bon, après moi je les connaissais pas toutes. Bah, mais il y avait principalement le rappeur du groupe Migos, Quavo. Donc ouais, lui j'ai quand même reconnu. Okay. Il a fini MVP à la fin du match All-Star. Ouais. Mais il faut dire après que le match des stars, ça mélange aussi filles, garçons et tout. Et c'est vraiment que des célébrités en fait, en quelque sorte, de différents âges. Ça tient pas en compte de la taille ou bien ou le poids des personnes et tout. Est-ce qu'ils baissent le panier? Non. C'est plus fort. Non, je pense que c'est le même panier en fait. Et mais apparemment c'est sur invitation. Ok. Et voilà, donc c'est vraiment un gros show en fait. Moi j'ai vraiment, d'habitude je regarde pas vraiment, je regarde plus les highlights, mais c'est vraiment l'une des rares fois où je me suis comme j'ai pris comme du temps pour pouvoir regarder ça, et puis j'ai pas été déçu. C'est vraiment un spectacle, on peut le dire comme ça. Donc on va passer à un autre sujet. On va parler un peu d'Instagram, des différents comptes Instagram. Ouais, médias sociaux. Exact. Visuels. Exactement, en fait. Donc, on va commencer déjà par... je vais parler de Hustle Picture. C'est une compagnie un peu de photos, en fait, une page Instagram de photos d'une personne ici de Trois-Rivières. C'est un étudiant de l'UQTR. Donc, du coup, il a mis en place comme sa propre structure, en fait. Et là, pour l'instant, il fait comme des photos de personnes, de gens, des paysages et tout. Bien, il a bien des photos d'autres étudiants aussi. Ok, de Trois-Rivières surtout. Ouais, de Trois-Rivières surtout. Pour y être sur son compte Instagram un jour. Ouais, exactement, en fait. Donc, attention. Donc du coup, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant en fait de donner la possibilité à d'autres personnes de pouvoir participer aussi. Et puis moi, je trouve que c'est un étudiant aussi à encourager en fait. Et voilà, sa page, c'est comme le nom l'indique, seul pitcher. Et puis voilà, je dis aux auditeurs de faire un tour. Il fait de belles photos et puis c'est intéressant en fait. Je dis pas qu'il, c'est pas comme si c'est de la photo professionnelle, mais ça peut être, il commence en fait. Et ça peut être pour lui peut-être une porte vers autre chose, ou bien peut-être le faire connaître à travers d'autres choses en fait. Les médias sociaux, c'est presque comme une carte d'entrée, c'est un CV, c'est un portfolio. Ben oui, c'est ça. Clairement. Ben oui. Des opportunités vont venir pour lui. C'est ouais, les opportunités vont venir. On espère en tout cas que ça va venir assez rapidement. Ouais. Parce que moi, j'ai regardé les photos, je trouve qu'elles ont un bon potentiel en fait. Et puis voilà, peut-être un de ces quatre dans l'émission, avoir un petit invité. Ben oui, pourquoi pas. Voilà, pour nous parler de ça. Donc ça peut être. Bonne idée. Ça peut être pas pire en fait. Donc ensuite, une marque de vêtements qui s'appelle. Y Gods, bon, je pense que lui lit ça Young Gods, je pense. Ok. C'est une marque de vêtements de Côte d'Ivoire. Mm-hmm. C'est des Ivoiriens qui ont lancé ça et tout. Et moi, j'ai vraiment bien aimé en fait parce que j'ai trouvé le style était vraiment comme. C'est un peu américain, un peu stétois. Et c'était vraiment bien réalisé, tout simplement. C'était vraiment bien réalisé. Et. Déjà les vêtements, déjà l'inspiration et tout, ça motive en tout cas. Moi je regarde ça et puis je vois qu'il gagne aussi certains prix. Je vois qu'il gagne pas mal de prix en Côte d'Ivoire et tout. De mode. Et tout. Et puis mais c'est vraiment du streetwear. Ouais. C'est homme, vraiment... femme, enfin. Ben en fait c'est tout. Ben là je vois que c'est plus homme, femme. Mm-hmm. Et aussi ils font quelques accessoires, mais ils sont pas encore dans une gamme enfant aussi. Okay. Présent pour le moment en tout cas. Mais ça devrait pas tarder en tout cas. Ça devrait pas tarder. Et puis moi je trouve que c'est... Moi en tout cas les vêtements je les trouve vraiment beaux. Parce que moi je suis quand même un fan un peu de streetwear, un peu de style urbain et tout. Et je trouve que c'est bien, surtout que c'est fait aussi en Afrique et tout. Donc tu sais, c'est des petites entreprises comme ça peut-être à encourager, tu vois. Parce que ça donne quand même de l'emploi et puis ça permet d'éloigner... disons en même temps les jeunes de certaines choses en fait. Oui, c'est, ben moi je pense que je préfère voir un frère ou bien une personne que je connais essayer de faire son trou peut-être dans la mode ou bien dans la photo ou bien whatever, que plutôt de le voir essayer de dealer ou faire de ou essayer d'être dans des mauvais coups qui finissent mal quand même. De se donner du matériel pour les chansons de rap plus tard sur je préfère le voir je préfère voir tu sais une jeunesse africaine peut-être aller rapper ou bien faire ce dont elle a envie. Productive en fait, plutôt que de faire des choses qui finissent toujours mal à la fin, tu vois. Et puis c'est des cadres dont un pays va se passer, tu vois. C'est une jeunesse que le pays pourra pas profiter de ça et tout, tu sais, parce que la population reste quand même relativement jeune et tu sais, c'est sûr qu'il y a pas forcément peut-être d'emploi pour tout le monde et tout. Donc du coup, au bout d'un moment, les jeunes ils font preuve de créativité pour essayer de eux-mêmes créer leur propre emploi finalement, et puis eux-mêmes avoir leur propre travail. Donc du coup, je pense que c'est des PME comme ça encouragées en fait. Et juste au niveau de la promotion, c'est déjà un encouragement. Ils ne demandent pas forcément des financements. S'il y a des financements, ça peut se faire. Mais dans le cas contraire, même peut-être une certaine visibilité et tout, ça peut leur permettre de pouvoir au moins se faire connaître. Et pour eux, c'est déjà beaucoup en fait. Mm-hmm. De pouvoir, parce qu'il y a, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait connaître grâce aux réseaux sociaux. Mm-hmm. Je prends l'exemple, une fois j'avais parlé d'un youtubeur qui s'appelle Observateur Eben. Mm-hmm. C'était un youtubeur ivoirien et tout. Il avait commencé à faire des vidéos en Côte d'Ivoire et tout, avec juste son iPhone. Il faisait des vidéos et tout. C'était des vidéos quand même un peu drôles, ou bien dans sa langue vernaculaire et tout. On ne le prenait pas vraiment, vraiment au sérieux, mais il a pris du public. Là, en ce moment, en France, il a vraiment de la cote et tout. Quand je prends son profil Instagram, c'est quand même près de 700 000 personnes. Ouais. Après à peu près 2-3 ans de vidéos et tout, près de 700 000 personnes qui le suivent. Et c'est rendu quand même un YouTuber très influent en France. Donc même plus seulement en Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc il est carrément devenu influent en France. Il est passé de Côte d'Ivoire à sur la Côte d'Ivoire. Donc voilà. C'est ça. C'est... C'est à peu près ce genre d'exemple en fait. Donc lui n'a pas forcément, ça n'a pas été un financement et tout, mais ça a été juste le soutien des personnes, juste des partages, juste des likes. Ouais, et l'effort de continuer d'en faire. C'est ça en fait. Donc c'est ça qui donne la motivation aux personnes d'aller de l'avant en fait. C'est ça. Donc moi je pense que c'est peut-être ça qu'il faut peut-être encourager en fait. Et puis des personnes créatives et tout, des profils Instagram, il y en a plein. Et on va terminer sur un dernier en fait, qui s'appelle Laetitia Key. Ou je pense qu'on l'a en Lisa Kai. Ok, merci. C'est qui? Ça cause une confusion. Qui? Pardon? On va dire Kai. Laetitia Kai. Ouais. Voilà, Laetitia Kai. On va dire Laetitia Kai pour ne pas la débaptiser. C'est ça. Donc, en fait, elle réussit à faire des sculptures avec ses cheveux, en fait. Arrête donc, pour vrai? Ouais, okay. C'est vrai. Donc, je sais pas si vous avez vu, c'est sur Facebook, c'est une Africaine qui a beaucoup de cheveux. Ça dit quelque chose? Elle fait des formes avec ça, ou bien elle essaie de représenter des scènes. Ouais. Elle représente des scènes avec ça. C'est fou, ça. Avec ses cheveux. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment... J'ai jamais vu ça. J'avais c'est jamais une sculpture dans quelque chose que t'as dans tes mains, ok, mais là tes cheveux sont sur ta tête. Ouais, c'est là, ça, t'sais? Exactement. Comment tu fais pour. Ah, je sais pas. Donc, je sais vraiment pas comment elle fait ça, mais en tout cas, c'est vraiment très beau. Ça, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire. Et puis, on espère vraiment que. Et elle a déjà fait. D'ailleurs, elle a fait partie d'une campagne de marketing de Facebook récemment. Ah, pas vrai? Ouais, on a appris. Son profil a été sélectionné parmi les différents profils là. Ah, c'est le fun. Et puis, c'est vraiment intéressant. Et puis, tu vois, de représenter. C'est ça en fait. C'est une jeunesse, tu vois. C'était un truc créatif, un truc productif à la base. Et là, elle se retrouve dans des publicités, dans des trucs du marketing. Et c'est original, ça, motive, en fait. Ça sert à rien, mais c'est original, c'est le fun à regarder. C'est ça, en fait, c'est beau à regarder, c'est impressionnant. Et puis voilà, elle prend du plaisir à faire ça. Nous, on prend du plaisir à regarder ce qu'elle fait. Et puis bon, exact. Au final, tout le monde est content, quoi. Tout le monde est content. Tout le monde est content. C'est comme les auditeurs de ta chronique, on est content. Pareil. Content que tu nous apportes tout ça. Donc voilà, c'est ça, son profil Instagram, je crois que c'est Laetitia, donc L-A-E-T-I-K-I. Donc Laetitia Key, je pense. Okay. Donc après, je suis pas vraiment... C'est pas son propre nom tout le temps dans ses capsules. Non. Mais c'est pas mal ça, en fait. Et puis, je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir regarder ça. Donc, on va terminer quand même sur ça, sur ce mot Laetitia Key. Et on va terminer en musique. Surtout. Ouais, c'est ça. Voilà. L'habitude est prise, là. On se posait la question, là. Donc, on va terminer avec... avec qui? Bon, avec Toxa. C'est un rappeur burkinabé que j'ai vraiment aimé son flow. En tout cas, j'avais déjà parlé de ça. Donc Toxa, c'est T-O... Pas ses enfants, son flow. T-O-K-S-A. Ouais. Et je crois son freestyle, c'est On met dedans. On met premier. Dedans. Tu vois, t'as juste à taper Toxa, tu vas voir ça en premier. Ben ouais, j'ai ça là. C'est donc, on termine sur ça. Merci beaucoup, Dominique, notre Mabungo. À la semaine prochaine. Shout out. Mardi, je suis à 8h30. Ok, big up à Toxa alors. Oh ouais. Ok. Hey! Hein? Quand je m'assois, je prends toute la place. Edoxi Yao, je vous flex dans le game, je vous vois même pas. Solo Jakabako, moi je crée la vibe et puis tu copies. Manu Dibango, beaucoup de milliards dans cantine. Ousmane Giro, dedans, nous toujours on met ça dedans. Je vous jure là que nous-mêmes on croit pas, vos gars là veulent changer de camp. Dedans, nous toujours on met ça dedans. Je vous jure là que nous-mêmes on croit pas, vos gars là veulent changer de camp. À la maison quand te lèves le matin, faut que tu prennes un fou le camp. Ici y'a pas de Gucci Versace, même s'il y en a c'est le com là. Sinon que je suis un bon élève, hein, mais je pars pas à l'école là tout le temps. Awaga quand tu vois une go sapée, elle porte lunettes Cobra 650. Faut faire maraboutage, pèlerinage, va égorger poulet dans votre village. Le flot t'a choqué, t'as lavé ton visage, nous on veut les gros bodas, la Nicki Minaj. Les tu là te mets des coups de poing, hé, hey, Manny Pacquiao. Mon flow la tyrannie depuis longtemps, Mobutu c'est Seco. Quand je m'assois je prends toute la place. Edoxi Yao, je vous flex dans le game, je vous vois même pas. Solo Jakabako, moi je crée la vibe et puis tu copies. Manu Dibango, beaucoup de milliards dans cantine. Ousmane Giro, dedans, nous toujours on met ça dedans. Je vous jure là que nous-mêmes on croit pas, vos gars là veulent changer de camp. Dedans, nous toujours on met ça dedans. Je vous jure là que nous-mêmes on croit pas, vos gars là veulent changer de camp. Tous les jours je suis posé au studio avec Super Hamzi et Shadow. C'est pas parce que la go a lolo qu'elle est lobby ou qu'elle vient de bobo. Moi mon flow est sorti de emballage, tout toi l'es sorti de sachet. Donc ça, voilà que si tu t'étais pas là, aujourd'hui là je vais te frapper. Nous on chante, tu nous couper, décaler, tu veux pas, tu vas danser. Parler pour parler, allez, si c'est fini, t'inquiète, tu vas laisser. Vraiment le son n'a pas de sens, hein, mais voilà, ça te met dedans. La go la parle, écrit et saute, saute, mais moi, je lui mets dedans. Quand je m'assois, je prends toute la place. Eroxi Yao, je vous flex dans le game, je vous vois même pas. Solo Jakabako, moi je crée la vibe et puis tu copies. Manu Dibango, beaucoup de milliards dans cantine. Ousmane Giro, dedans, dedans. Nous toujours on met ça dedans. Je vous jure là que nous-mêmes on croit pas. Vos gars là veulent changer de camp. Dedans, dedans. Nous toujours on met ça dedans. Je vous jure là que nous-mêmes on croit pas. Vos gars là veulent changer de camp. À Assemblage Requis. On a juste assez de temps avant Jimmy Thibodeau pour le petit bloc des palmarès, c'est fou. moment de rendre visite à nos très négligés palmarès. Et aujourd'hui, on va dire au revoir aux pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès dans le bloc qu'on appelle Palmarest in Peace. Just mountains of change. Ils nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Fais un film comme tu l'imagines, un peu subversif, c'est l'objectif. Filme-moi, filme-moi, filme-moi, filme-moi, filme-moi, filme-moi. On a commencé avec Filme-moi, une pièce qui est de Alice et moi, qui a duré 7 semaines. Puis à un moment donné, elle a fini par manquer de ruban. Par la suite, on a voyagé un petit peu avec Fever and Ray, To the Moon and Back, qui est resté là pendant 5 semaines. Et Gordani a fini par prendre sa décision, c'est-à-dire sacrer son camp des palmarès. Il est mort, faut pas dire ça. La pièce Love Over Money, qui a duré 6 semaines. Voilà pour Palmarest in Peace dans le bloc des palmarès, c'est fou. Et maintenant, on transitionne à notre ami Jimmy Thibodeau, qui est en studio avec nous. Salut Jimmy Thibodeau. Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien. C'est cool ça! Pourquoi est-ce qu'on parle comme ça? Je sais pas, c'est pas. Hein? Conversation de comptoir de cuisine. Ça arrive. Mais bref, donc Jimmy qui est là pour Gauche Herbe et Vue, sa chronique où il prend un sujet de la gauche, lui étant lui-même de gauche, et analysant, des fois suranalysant, des fois surpréparant quelque chose pour parler contre la gauche. Aujourd'hui, c'est ce que tu me dis, que t'es trop préparé, t'as trop de... comment dire, de recherche de fait, c'est ça? Ben, c'est ça, des fois, là, comme pour mes critiques de la gauche... d'un point de vue de gauchiste, évidemment. Mais des fois, j'ai juste comme des idées écrites sur un papier comme ça, puis après, j'improvise, puis j'ai déjà les idées en tête. Mais là, j'ai comme fait un super long texte. faut que je fasse attention à pas lire. Mais dans le fond, tu veux qu'on se la ferme, c'est ça que tu veux qu'on fasse? Mais non. Vous allez avoir le temps quand même. Est-ce que t'as un sujet controversé aujourd'hui? Ah, mais quand même très controversé, en effet. On se rappelle que la semaine passée, t'as dit que c'était un sujet vraiment aucunement controversé. Que c'était quoi? C'était-tu toi ou Sébastien Gartin? Je pense que c'est Sébastien Gartin. La dernière fois, j'avais parlé de quoi déjà? si tu t'en rappelles pas, imagine comment je m'en rappelle pas. Ça avait ouvert la porte, en tout cas, à une discussion sur la tolérance de la gauche. En tout cas, ça, je me rappelle de ça. Puis le dialogue, la nécessité de dialogue. Exactement. Mais bref, cette semaine, de quoi est-ce qu'on parle? Bon, ben on en parle en fait, on parle pas de dialogue en tant que tel, on parle de relations de couple. Oh boy! Oh. Puis là, tu veux pas qu'on parle? C'est ça. Non, non, non, parlez. Or lack thereof. Manque de relations, de manque de couple. Ben, ah ouais, en partie, je pense que c'est effectivement, c'est presque touché, presque ouais, touché. Mais bon, ben, je vais commencer par mon petite introduction là-dessus. Prologue. Bon, il y a beaucoup de distinctions qu'on utilise pour différencier la gauche et la droite. On utilise beaucoup de pôles, par exemple interventionnisme économique versus néolibéralisme, par exemple. Mais il y a plein de défauts avec plein de ces distinctions-là. Puis une qui est particulièrement néfaste, je pense, comme distinction, c'est la distinction individualisme versus collectivisme. Il y a comme une sorte, ben, selon la légende, la droite serait plus individualiste que la gauche et la gauche serait plus collectiviste que la droite, mais ça je pense que c'est complètement faux. C'est un genre les enfants appartiennent à tous, c'est genre quelque chose comme ça, dans le sens où quand t'es collectiviste, c'est la communauté d'abord ton groupe d'abord avant tes intérêts personnels, tandis que quand t'es individualiste, t'es beaucoup plus porté sur tes intérêts personnels et la société elle devrait fonctionner en se basant sur en maximisant les intérêts personnels de chacun, autrement dit. En souciant pas des pauvres et des gens malades, des trucs comme ça. C'est un exemple d'individualisme, surtout dans la droite économique, mais il y a d'autres formes d'individualisme dans la gauche. Je peux en donner un exemple, vu qu'on est déjà dans le sujet. Imaginez, par exemple, les nationalismes. Souvent, la droite est plus associée de près au nationalisme. Tandis que chez la gauche, des fois, on a des gens qui s'appellent, qui s'appellent citoyens du monde. C'est clairement beaucoup plus individualiste. À ce moment-là, on est vraiment carrément contre les notions de nation ou de culture distincte. Et là, on ne veut pas exclure certains individus des nations. Et on ne veut pas non plus privilégier les droits de sa propre nation ou privilégier les intérêts de sa propre nation. Donc, à ce niveau-là, on est beaucoup plus individualiste dans une certaine gauche non nationaliste que dans la droite qui est plus souvent nationaliste que la gauche. Un exemple. Mais bon, un autre exemple. C'est mon exemple d'aujourd'hui, en fait. Okay, ouais. Là, je vais aller bientôt aux relations de couple. Mais dans le fond, c'est juste de dire on est plus individualiste dans les relations de couple. Puis pourquoi je dis au niveau de la gauche? Puis pourquoi je dis ça? Petite mise en contexte d'abord, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on vit dans un contexte d'isolement un petit peu préoccupant. Beaucoup de jeunes, des jeunes, mais aussi des moins jeunes, sont pris avec pas des traumatismes, mais des grands stress psychologiques à cause de l'isolement, pour différentes raisons. Même que les médias aujourd'hui parlent d'épidémie de la solitude et que ça devient un problème de santé, effectivement, une des premières causes des dépressions, des troubles d'anxiété. Donc, c'est vraiment extrêmement grave. Pourtant, Superman avait sa forteresse de la solitude, puis c'était correct. Ah, mais que veux-tu? On n'est pas tous Superman, on n'a pas tous le cœur en acier, n'est-ce pas? Mais c'est ça. Ça alimente divers troubles et c'est vraiment préoccupant. Puis dans un cas qui nous préoccupe particulièrement, les étudiants aussi sont particulièrement touchés par la solitude, avec tout ce qui est de travail personnel, l'hyper-spécialisation de l'académie, tout ça. Ce qui fait en sorte que les gens se retrouvent beaucoup isolés très rapidement. D'autres causes, c'est l'Internet, les médias sociaux, technologies de communication, qui fait qu'on peut communiquer à distance, mais ça rend de moins en moins nécessaire les contacts de personne en personne. Ça crée plus d'isolement, comme paradoxalement. Déclin des rites de passage, il y a moins de rites de passage qu'avant, puis au déclin de la religion aussi. Rencontrer sa famille à la messe du dimanche, ça se fait plus. Beaucoup, en tout cas. L'hyper-spécialisation, je l'ai dit. Mais il y a plein d'autres causes qui, par rapport à l'isolement. Mais bon, une cause vraiment importante, à mon sens, de l'isolement aujourd'hui, c'est notre attitude individualiste envers les relations de couple. Mais plus spécifiquement, des conséquences comme concrètes de cette attitude individualiste là, c'est la disparition. Qu'est-ce qui a amené, si on veut, cet individualisme là c'est en partie la disparition des mariages. Ça va être controversé. Genre rester ensemble même si t'es malheureux là, c'est ça? C'est pour ça que c'est controversé. On était prêts à dire que c'était vrai. C'est ça, mais là, c'est tout en nuance ici. Okay. Okay. Faut faire attention. On fait confiance. Donc là, même c'est encore pire que tu penses. Bon. Et là, c'est important de dire, je dis pas que ces choses-là sont... Mais en fait, Il y a des choses qui sont disparues qui ont amené cet individualisme-là. Puis cette disparition-là n'est pas nécessairement mauvaise, okay, mais ça okay. a eu une conséquence négative. Bon, okay. La disparition des mariages forcés, dans le sens où des mariages forcés par la pression familiale ou par l'argent, par la religion, et l'émancipation amoureuse et sexuelle des hommes et des femmes. Oui. Bon, ça, ça a amené de l'individualisme chez les gens. Ça a amené beaucoup de liberté, évidemment. Liberté sexuelle et amoureuse, très importante. On veut cette émancipation-là, c'est un progrès. Mais par contre, on est des fois dans l'extrême puis dans la mésinterprétation, je pense, des choses. On ne s'est pas contenté d'être libre en amour, si on veut. On a commencé aussi à croire en un idéal de couple sans contrainte. C'est différent. J'appelle ça, moi, le mythe du couple sur mesure. Comme l'idée selon laquelle on pourrait avoir comme un couple parfait à nous, personnalisé, fait sur mesure pour nous, selon nos besoins. Sans aucun défaut. Ouais, sans aucun défaut. Tu sais, c'est un petit peu le mythe de l'âme sœur qui est là-dedans, mais personne dit croire en l'âme sœur. Le coup de foudre! Ouais, et pourtant, on est carrément là-dessus tout le temps. On a des attentes vraiment extrêmes. Puis les sites de rencontres n'arrêtent pas de nous vendre des trucs là-dessus. Là, vous allez trouver le partenaire idéal. Blablabla. Ce qui est vraiment drôle en ce moment, c'est le site qui annonce genre que vous allez être matché avec quelqu'un qui est très bien éduqué, là, tu sais. Ouais. Comme ça va changer, là, c'est sûr que ta relation va être parfaite parce que le gars était éduqué au niveau. Ben, c'est ça. C'est de l'élite. Puis, ben, tout à fait. Ces pubs-là, c'est quand même assez aberrant. Puis, non seulement ça, mais on est, de manière plus générale, tourné vers certains critères. Là. Les sites de rencontres disent on va avoir des candidats qui répondent à tous vos critères. Tout. C'est ça. Fait que là, c'est vraiment comme de la consommation, presque. Ouais, puis t'as aucune façon de savoir dès le départ si la personne a coché les vraies cases de sa vraie personne. Ouais. T'as beau cocher des critères, tu vas le rencontrer, puis finalement, il a pas son diplôme de Harvard. Ça veut pas dire grand-chose, en effet. Puis avant qu'on mette ça sur le dos du capitalisme puis du consumérisme, je veux dire, aux minutes, la gauche, vous avez peut-être des choses à vous dire, à vous reprocher de votre bord. Bon, fait que je vais y aller avec ce discours-là très bientôt, mais justement, préciser quelque chose. Bon, évidemment, là, je vais parler surtout des couples monogames, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels, dans ce qui suit pour la chronique. Mais par contre, évidemment, les gens qui choisissent le célibat pour le célibat permanent pour différentes raisons, c'est légitime, je les critique pas. Puis évidemment, il y a aussi des gens qui veulent avoir des relations polyamoureuses. Polyamoureuses, par exemple. Ben oui. On vous aime. Mais on parlera pas de vous autres dans cette chronique-là. C'est ça. C'est comme c'est choisi librement, puis c'est bien comme ça. Mais par contre, il y a certaines personnes polyamoureuses qui veulent quand même former des couples. Puis mais là, ce serait sexuellement non exclusif. Ou encore des ménages à plus de deux personnes. Des fois, ça existe aussi. Pas des couples, mais comme des ensembles de 3, 4, 5 personnes. Ouais, c'est ça, des quatuors et des trios. Ouais, je sais pas comment appeler ça. De cordes et de bois. Mais il y a aussi ces variantes-là. Alors, ces variantes-là pourraient peut-être se reconnaître dans la critique, dans les critiques qui vont suivre. Dans ce cas-ci. Tant que l'idée de couple. En tant que ce soit pas un harem où tu fais juste copuler. C'est exactement. Tant qu'il y ait une certaine forme d'engagement, une certaine forme de cellule sociale qu'est le couple, tant qu'on tient à ça. D'amour, entre guillemets, et non pas de relation purement sexuelle. Ben, tu peux avoir des. Tu sais, comme de l'amour passionnel d'une semaine avec quelqu'un puis décider ben c'est juste une semaine puis après on s'en va. Je parle plus comme d'engagement de lien social qu'on crée puis le couple c'est comme une sorte de noyau social très important qui va me permettre de vraiment parler de collectivisme versus individualisme dans cette optique là. C'est quoi que c'est? Qu'est-ce que ça cause un petit peu cette attitude là du mythe du couple sur mesure? Concrètement, les contraintes dans le couple sont devenues extrêmement mal vues aujourd'hui. Dans le couple aujourd'hui, on fait ce qui nous plaît tout le temps. Si on fait quelque chose par devoir pour l'autre, c'est mal vu. T'es pas à bonne place. Je me caractérise un petit peu, mais souvent c'est un peu comme ça dans les couples. Quand on se sent momentanément inconfortable dans un couple, souvent on pense qu'on peut et qu'on devrait en sortir sans hésitation. C'est un réflexe courant aujourd'hui. Donc il faut vraiment pas de contraintes. C'est une des attitudes qui découle de ce mythe-là du couple sur mesure. Puis aussi, on ne devrait plus espérer seulement un couple qui nous convient et qui est compatible avec notre style de vie et nos valeurs. Pas du tout. Ça va beaucoup plus loin que ça maintenant. Il faut toujours se rapprocher de la perfection en amour, comme j'ai dit un petit peu. Ben, c'est ça. Fait que personne ne croit en l'âme sœur, mais dans le fond, on cherche quand même un idéal. Puis ça revient un petit peu au même dans le fond, à un moment donné. L'utopie de la chose. Ben, c'est ça. Utopie, toujours l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, blablabla. Bla, bla. Ça, c'est sûr. Tu vas tout le temps pouvoir trouver mieux ça. Ouais. Ben oui. Puis dans les cas extrêmes aussi, ça c'est important à dire. Si certaines personnes vont... Ça, c'est ça que ça devient un petit peu préoccupant. Certaines personnes vont même jusqu'à croire qu'une relation de couple, ben, est anormale si la passion amoureuse n'est plus là après plusieurs mois ou années. Ouais. Tu sais, quand, mettons, il y a juste la simple affection amoureuse qui est plus calme versus la passion amoureuse comme qui donne des papillons dans le ventre, mm-hmm. là. C'est correct que des gens cherchent spécifiquement cette passion amoureuse-là puis cherchent des relations à très court terme pour chercher ce, comme de, cette excitation-là. Ce facteur nouveauté. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui cherchent des relations à long terme puis qui s'attendent à comme un conte de fées éternel. Ouais. Ouais, c'est ça, que ça arrêtera jamais. Ouais. Ça va arrêter. Mais c'est complètement irréaliste. Puis ça, c'est vraiment une conséquence néfaste de cette attitude-là du couple sur mesure. Puis bon, les études scientifiques disent souvent qu'après entre 3 à 5 ans, la passion amoureuse forte là, est disparue pour à peu près tout le monde. Sauf à de très rares exceptions, mais là, c'est vraiment... faut pas s'attendre à ça. Mais bon, ça, c'est un petit peu ce que ça cause, cette attitude-là. Maintenant, des conséquences concrètes, d'autres conséquences concrètes du mythe du couple sur mesure. Ben, en fait, c'est quoi les inconvénients, mettons, outre ces conséquences-là? Ben, premièrement, le fait que ça n'a aucun sens, là, je viens d'en parler. mettons, hein? C'est ça. Tu sais, on a dit la passion amoureuse, s'attendre à ça tout le temps, c'est irréaliste. Mais plus globalement aussi, personne n'est compatible avec personne comme à 100% dès le départ. Mm-hmm. Un couple, c'est une forme de compromis à la base. Personne n'a exactement les mêmes goûts, personne n'a exactement les mêmes valeurs, ni même les mêmes préférences. Et personne ne correspond parfaitement au fantasme de qui que ce soit. Donc, dans un couple, il faut un minimum de compatibilité au début. Bon, ça, c'est sûr. Tu sais, tu peux pas te mettre avec quelqu'un qui a complètement les différentes préférences que toi. Il faut quand même qu'il y ait une certaine... Bon, qui se ressemble, ça semble un petit peu. Il faut quand même garder ça en tête. Mais le reste, c'est surtout du travail sur le long terme. La vie de couple, c'est aménager sa propre vie pour accommoder la vie de l'autre, comme on pourrait bien dire. Et les gens, bon, changent constamment durant l'enfance, par exemple, puis nos préférences puis nos valeurs sont influencées par notre éducation, nos parents, des événements marquants. Donc, on change tout au long de notre vie, puis en couple, c'est la même chose. C'est aussi spécial des gens qui sont encore en couple aujourd'hui avec des gens avec qui ils ont sorti au secondaire ou au cégep, puis que leur vie a vraiment beaucoup changé et qu'ils restent ensemble. Bravo. Puis c'est une influence mutuelle. Tu sais, les gens ont peur de changer pour l'autre personne. Par exemple, si tu as comme ce besoin d'être authentique, là, dire change pas pour cette personne-là, tu vas voir quelqu'un qui va te convenir encore mieux. Tu vas voir, tu vas attendre puis tu vas le trouver, tu sais, cette personne-là. Ouais. Mais ça, c'est un mythe vraiment néfaste. Puis ça, c'est je vais faux. C'est ça, c'est faux aussi parce que la plupart du temps, les gens peuvent être déçus. Puis plus on avance dans l'âge, plus c'est dangereux pour ça amène plus de stress, évidemment. Bon, ça, je vais y revenir un petit peu aussi. Donc, quand tu utilises l'expression « changer de personne », c'est pas des pneus. Ben, c'est ça. Ah, ça, c'est très important à dire aussi. C'est un très bon point. Et puis, donc, morale de ce point-là, en tout cas, c'est correct de changer à cause de notre conjoint, de notre conjointe. Là. Contrairement aux idées reçues, ben, c'est ça. Pourtant, c'est mal vu de changer, puis la bullshit d'être authentique. Ouais. C'est quoi d'ailleurs être authentique? Parce qu'on change tout le temps dans le fond. Là. On n'a pas une personnalité attribuée à la naissance puis étiquetée sur notre front. Là. Donc, il faut être clair là-dessus. Là. On change tout le temps. C'est normal. Puis être dans un couple, c'est une manière comme une autre de changer pour différentes personnes, pour différentes raisons. Bon, donc voilà, ça n'a pas de sens. Puis les attentes irréalistes aussi, ça crée, c'est pas juste le fait que c'est irréaliste, là, c'est juste, ça crée vraiment de la détresse psychologique à l'intérieur même des couples aussi des fois. Quand les gens sont vraiment intransigeants au niveau du couple, ça peut créer beaucoup de disputes, ça peut créer des couples beaucoup plus distants, beaucoup plus individualistes. Puis à l'extérieur du couple aussi, ça permet de pas avoir de vie de couple tout court des fois. Puis pourtant, il faut faire des compromis, il faut prendre certaines responsabilités, il faut aider l'autre dans un couple, il faut être prêt à s'engager dans des activités ou des projets qu'on aime un peu moins ou qu'on aime même, ou qu'on fait juste pour faire plaisir à l'autre. Tu sais, c'est des choses qui arrivent dans un couple, puis il faut pas s'attendre à on va tout le temps faire les mêmes choses qu'on aime ensemble tout le non, monde à 100%. C'est ça, hein, il y en a des couples comme ça, puis ils gossent des fois. Mais il y a un changement aussi qui se fait avec les années. Je veux dire, tes intérêts personnels changent. Je suis fou que je change pas d'idée. Exactement. Tu sais, je veux dire, si tu t'attends à tout le temps faire la même affaire avec ton conjoint, ta conjointe... Il faut de l'indépendance aussi. Oui, exactement. Ben exactement. Il faut faire des choses de chacun de notre côté. Mais aussi, quand on veut faire des choses ensemble, il n'y a personne qui est comme parfaitement pareil l'un l'autre. Là. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des conflits à un moment donné. C'est inévitable dans un couple. Là. Donc, il faut à un moment donné faire des compromis et faire plaisir à l'autre. ça fait partie du couple. Mm-hmm. Des fois, il faut mettre le couple avant l'individu de temps en temps. C'est par ça que je veux dire collectivisme aussi. Mm-hmm. Donc voilà. Mais faut pas aller à l'extrême non plus et vouloir changer l'autre personne à tout prix parce que ça fonctionne pas. Exactement. Tu peux pas changer l'autre personne au-delà d'un certain. Jusqu'à un certain point, si t'as l'impression que tu gâches ta vie en restant avec une personne, c'est peut-être parce que t'es à mauvaise place. C'est ça. Donc c'est tout le temps jusqu'à un certain point évidemment. Puis dans différentes situations, faut toujours être consentant de ce qu'on fait là. Ouais. Faut pas se forcer à faire des choses. Bon, l'exemple le plus typique, c'est le consentement sexuel là. Ouais. On peut des fois, quand ça nous tente moins dans un couple, faire plaisir à l'autre, quand il y a par exemple plus de libido, plus de désir dans un moment donné. Puis bon, on peut faire plaisir un petit peu à l'autre dans ce sens-là, mais il faut que ça reste consentant évidemment. Ouais. Donc c'est vrai pour la vie sexuelle, c'est vrai dans plein d'autres affaires, dans les projets communs. Donc faut toujours rester dans le consentement puis dans l'intérêt des deux. Faut se respecter mutuellement. Donc voilà. Donc une belle formule, c'est si t'es dans un couple puis tu préférais être tout seul que d'être dans ce couple-là, pars. C'est un signe. C'est ça. Ouais. Mais si tu te dis finalement j'aimerais quitter cette personne-là parce que je pourrais faire plus d'argent ou cette personne-là est plus cool ou a des plus beaux abdos, je sais pas. tu peux te dire peut-être finalement je devrais peut-être y penser à deux fois à ce que je fais. Donc voilà. Puis c'est ça. Bon. Puis une autre conséquence concrète du mythe du couple sur mesure, ben on l'a dit, c'est l'isolement. Les gens restent célibataires plus longtemps, vivent moins ensemble et se séparent plus souvent. Puis là, je vais pas juste répéter ce que j'ai dit. Là, j'ai des données pour appuyer cette chose-là. C'est voilà. Platounet. C'est platounet, dit Italien. Platounet, ben, checkez bien ça. non, ça sent bien. On peut se pencher sur les mariages au Québec pour avoir une bonne idée de la chose. Évidemment, bon, c'est pas tout le monde qui se marie, mais ce que je pense, c'est que si on regarde, s'il y a un déclin des mariages ou des signes négatifs au niveau des mariages, c'est pas bon signe pour le reste. Mm-hmm. Parce que s'il y a bien une forme de couple qui devrait rester unie plus longtemps et tout ça, c'est bien les mariages. Ils font les vœux en disant mais oui, ben, c'est ça. Donc si ça se passe mal pour les mariés, je vois pas pourquoi ça irait mieux pour les conjoints de fait. Mmh. Donc c'est un bon baromètre, je pense, les mariages. Donc bon, sans plus attendre, si on regarde l'Institut de la statistique du Québec, on a des belles données intéressantes. On remarque par exemple qu'entre 1951 et 2016, l'âge moyen du premier mariage est passé de 27 ans à 33 ans chez les hommes, mm-hmm, et de 24 à 32 ans chez les femmes. Donc super intéressant, on prend beaucoup plus de temps avant de se marier. Ouais. Donc ce qui veut dire surtout beaucoup plus de ruptures. Ouais, probablement ouais. Plus de magasinage. Ouais, plus de détresse psychologique qui vient avec ça aussi. Un article de Radio-Canada dit, qui date de 2007, estime que moins de 30% des Québécois vont se marier avant 50 ans. Ah, OK. Donc, c'est ça. C'est pas rassurant pour notre avenir, hein, ça? Non. Ouais, on a 70% de chances de ne pas être marié d'ici 50 ans. Là, c'est rendu 60 ans vu que l'article date de 2007. C'est ça qui arrive. 61 ans. Bon, je serais peut-être pas aussi pessimiste, mais c'est moi, ça. Oui. On est deux. C'est vrai. Bon. C'est une blague. Ah ouais, c'est une blague qui cache un fond de vérité. Mais pire que ça encore. Oh, le non. Nombre de divorces aussi a fortement ben grimpé. Ben oui, clairement. Par contre, il a fait un plateau. Bon, depuis... Bon, en 1969, il y a eu à peu près 9 divorces pour 100 mariages. Mais le chiffre a grimpé dès les années 70, mais c'est stabilisé autour de 50% depuis la fin des années 80. Par contre, bon, les couples qui restent mariés ne sont pas nécessairement heureux. C'est donc ça. Même si tu as 50% de chance de pas divorcer si t'es marié, tu peux être séparé aussi. Tu peux aussi être malheureux, c'est ça. Aussi. Puis aussi, une autre chose qui est intéressante, 50% de chance de divorcer, mais ça veut pas dire pour le premier mariage. Ah. Donc même à 50 divorces pour 100 mariages, ça veut pas dire que ce sont les premiers mariages qui ont 50% de chance de finir en divorce. Il y a aussi des remariages, donc on compte tous ceux-là. Donc tu as 50% de chance, autrement dit, de finir divorcé à la fin de tes jours, si on veut. D'après le même article de Radio-Canada, pardon, que je viens de mentionner, on estime en fait que 67% des gens qui se sont mariés depuis 1990 vont divorcer d'ici 2030. 67%. Donc, tu t'es marié depuis 1990, tu as 67% de chances de divorcer d'ici 2030. Deux tiers. Ben, c'est ça. Aussi, en 1960, la durée médiane entre le mariage et le divorce, pour ceux qui se divorcent, c'était 17 ans, alors qu'en 2007, la durée était de 5 ans seulement entre le mariage et le divorce. Oh, wow. Ouais, donc ça prend encore moins de temps de divorcer aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, plein de paramètres comme ça qui font en sorte qu'on est de plus en plus isolé, les divorces se font plus rapidement, les mariages se font plus lentement aussi. Donc, voilà. Mais bon, faut faire des nuances non plus. C'est pas juste le mythe du couple sur mesure qui vient tout causer ces problèmes-là. Il y a plein d'autres choses. Bon, l'espérance de vie a augmenté premièrement. C'est sûr que plus de temps pour te marier plusieurs fois. Puis t'as plus de temps pour divorcer aussi. Ouais, statistiquement, t'as plus de chances de divorcer, ça c'est sûr. Puis les gens, en particulier les femmes, ça il faut le rappeler, ne sont plus obligés de supporter des mariages dysfonctionnels ou abusifs. Ben, oui. Donc, et prendre le nom de leur mari. Et tout. Ben, ouais. Donc évidemment que c'est bien que le taux de divorce ait augmenté un. Ça, c'est sûr. Mais à quel point il aurait dû augmenter, c'est une bonne question. Mais c'est bien qu'il ait augmenté pour ces raisons-là. Une autre chose, c'est la baisse de pression sociale pour les couples malheureux. On se marie maintenant surtout par amour ou pour la vie commune. Pas pour des motifs religieux ou pour se soumettre à une pression familiale. Bon, il y a encore des mariages religieux et tout ça, mais il y en a de moins en moins. Puis je pense que c'est une bonne chose dans une société laïque qui prône plus le bonheur individuel, n'est-ce pas? Jusqu'à un certain point. Ouais. Par contre, moi, je pense que le mythe du couple sur mesure joue pour beaucoup, parce qu'en créant des attentes irréalistes et en abolissant toute pression pour rester ensemble, on finit par entraîner le déclin du mariage. On entend souvent le cliché des grands-parents qui sont heureux ensemble, finalement, simplement parce qu'ils n'ont pas pu divorcer, parce qu'ils ont fini par s'y faire, si on veut, entre guillemets. Là. c'est un peu malheureux, mais il y a quand même un fond de vérité là-dedans, parce que les couples sont... constamment en conflit de valeurs puis en conflit de tout court, là, c'est inévitable. Constamment, c'est un peu exagéré, mais il va toujours en avoir. Là. Et bon, le choix de vie couple implique toujours des compromis, gestion de crise, je l'ai dit aussi. Et ça vaut quand même la peine aussi de sacrifier pour un couple, parce que si on entretient le couple, le groupe qu'on a créé ensemble, ça peut faire, ça fait une lutte contre l'isolement, ça permet d'avoir de l'affection, de l'attention, de l'aide mutuelle, ça permet de fonder une famille, d'avoir des projets financiers communs. Donc, c'est une cellule sociale qui est super importante, c'est un tissu social super important dans notre société, surtout que la religion est partie, puis on croit de moins en moins dans des choses comme le nationalisme et tout. Mm-hmm. Donc, le couple est un des rares tissus sociaux qui tient encore la route aujourd'hui. Puis avec l'individualisme, on est en train de faire perdre ça aussi. Puis ça, la gauche aussi est un petit peu responsable là-dedans. Et pourquoi? J'en ai un petit peu parlé avec l'émancipation sexuelle et amoureuse et la fin des mariages forcés. Deux choses qui sont très bas, très positives, n'est-ce pas? Mais des fois, qui vont un petit peu loin. Certains groupes de gauche vont parfois prôner l'élimination des contraintes dans les relations. Puis ça, je pense que c'est un petit peu confondre liberté puis individualisme. Non, parce qu'on peut s'engager librement... à avoir une relation engagée, c'est ça, contraignante. Ouais. Donc, liberté puis engagement, c'est deux choses qui sont compatibles. Tu peux être libre puis contraint puis agir par devoir puis t'es libre quand même. Donc, il n'y a pas de problème. Puis, un exemple de gauche qui s'est vraiment contre les contraintes dans les couples, des exemples vraiment comme extrêmes, c'est le mouvement Free Love aux États-Unis. Ah, c'est cool, ça. C'était un mouvement, ça faisait partie de la mouvance hippie depuis les années 70. Puis eux autres prônaient l'abolition du mariage, en fait. Ça a eu beaucoup de répercussions. C'était très populaire dans l'Ouest des États-Unis, entre autres. Puis on a maintenant aussi ce qu'on appelle l'anarchisme relationnel, carrément. Oh, wow. On voit ça comme carrément une institution qu'il faut abolir, les relations de couple, puis toutes les contraintes, dans certains groupes de gauche, en tout cas, extrêmes par rapport à ça. Évidemment, cet individualisme-là, a des conséquences extrêmes. Juste un petit peu parler ce que j'ai fait. Oui, hein, c'est ce que t'as fait là. Moi, je trouve aussi ta taille de caractère. Qu'est-ce que j'ai fait là? Après couple sur mesure, document Word sur mesure. Oui, exactement. Je pense que Jimmy a perdu ses notes. Par exemple, si vous avez. Il y a plusieurs cas où finalement, on va être vraiment trop intransigeant en couple à cause de ça. Par exemple, si on a deux universitaires, c'est un exemple super facile. Il y a des offres d'emploi partout dans le monde. Puis là, tu veux rester en couple. Mais là, par exemple. Mettons un couple hétérosexuel, t'as l'homme qui est bien à Trois-Rivières, supposons, puis t'as la femme qui aurait bien un poste à Harvard aux États-Unis, ce serait le fun, mais à la place elle pourrait avoir un poste à Montréal qu'elle aime un petit peu moins, mais qui fait quand même la job, mais elle aimerait bien à Harvard aussi pour la grosse carrière puis tout ça. Va sur Elite Singles, rencontrer des gens bien éduqués. Ça. Mais c'est considéré négativement si la femme décide d'aller à Montréal pour sauver le couple. Des fois, c'est considéré des fois comme sexiste puis contre une barrière au empowerment féminin, n'est-ce pas? Des fois, c'est vu comme ça. Pourtant, c'est un sacrifice légitime. Quand on pense au couple, des fois, puis on est plus collectiviste, Puis même si c'était, l'homme qui avait décidé de faire ça, ça aurait été toujours, aussi moral, tout aussi acceptable. Donc des fois, on saute vraiment aux conclusions beaucoup trop vite. Des fois, il y a des sacrifices qui sont nécessaires pour un couple, puis c'est normal. Si on veut, parce qu'à un moment donné, des compromis, il faut toujours en faire. Il faut à un moment donné construire un couple. Il faut commencer à mettre les blocs, puis à vraiment s'engager. Je pense que c'est vraiment important. Comme avoir toujours un pied dans la porte, c'est ça qui fait qu'on est rendu aujourd'hui avec plein de célibataires, puis des divorces à n'en plus finir. Puis bon, un autre cas intéressant, la vie sexuelle, par exemple. Ben évidemment, il y a plein de groupes de sensibilisation là-dessus, puis je crois qu'ils font un travail essentiel. Par contre, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on néglige souvent dans les, au niveau des groupes de sensibilisation sur le consentement sexuel, c'est la vie de couple. On dit souvent, bon, quand c'est sans oui, c'est non, blablabla, c'est super bon. Mais souvent, ça amène un petit peu l'idée que les relations sexuelles doivent toujours être désirées par les deux parties dès le début de la relation sexuelle. Ah, okay. Mais il y a une différence entre désirer une relation sexuelle puis être consentant à la relation sexuelle. Ça, c'est important. C'est sûr que pour un hookup, c'est sûr que ça fait du sens que ça soit désiré les deux parties dès le départ. Hookup étant un genre de Tinder là, juste pour le sexe. Ben, on appelle ça. On pourrait appeler ça un one night ou encore bon, quelque chose de ponctuel, n'est-ce pas? Ouais. C'est normal de désirer ça des deux côtés. Mais quand t'es dans un couple, des fois, évidemment, il y a des gens qui y a des différences de désir. Puis c'est pas tout le temps l'homme qui a plus de désir. Des fois, c'est la femme qui a plus de désir. Je parle pas d'un sens. Dans un sens, je parle des deux dans les deux sens. Des fois, il y a des moments où où ça amène des frustrations, les différences de libido. Puis ça, c'est normal. Puis les sexologues se penchent là-dessus constamment. C'est un problème qui revient tout le temps. Puis ce qu'ils disent souvent les thérapeutes, c'est faites des efforts. T'sais, pour les gens qui ont plus de libido, évidemment, il faut se contrôler puis toujours ne jamais forcer la personne. Puis des fois, faire en sorte qu'il y ait plus de désir, t'sais, être à l'écoute des désirs de la personne, de l'autre personne. Ça, c'est une chose. La part de la personne qui a plus de libido, mais la part de la personne qui en a moins, c'est peut-être aussi des fois de se laisser aller, tu sais, puis de laisser la personne stimuler la personne pour que, évidemment, pour que le désir finisse par arriver. Il y a beaucoup de sexologues qui disent que le désir sexuel, c'est pas quelque chose de spontané tout le temps comme ça. C'est quelque chose des fois qui se travaille. J'ai même vu un sexologue qui a déjà dit le sexe, c'est un peu comme l'appétit des fois. C'est en mangeant qu'on a faim. Ben, c'est ça. Peut-être. C'est un fond de vérité clairement dans les relations de couple. C'est pas une question de remettre en question le consentement, mais des fois, il y a des moments où une personne, ça y tente moins que l'autre, mais elle veut quand même faire plaisir à l'autre, a de l'empathie pour ses désirs, ses besoins. C'est normal, c'est pas mal en soi. Ouais, mais de l'autre côté, il y a d'autres façons de soulager tes envies. Bien sûr. Qui ne devraient pas être aussi tabou. Bien sûr, non, évidemment. Mais. Jusqu'à un certain point, bien sûr. Tu sais, personne doit se contrôler et tout ça, puis pas abuser, puis vraiment pas faire sentir à l'autre que c'est une obligation ou quoi que ce soit. Là. Toujours respecter le rythme de l'autre, bien sûr, mais de la part de l'autre, mais si elle désire pas la personne, c'est correct, mais au moins, tu sais, comme se laisser aller au jeu, puis voir si au bout du compte, elle désire la relation sexuelle, puis après, bon, c'est de se laisser aller un petit peu pour laisser la chance à l'autre. Puis bon, c'est des choses comme ça. Bon, je vais un petit peu trop dans les détails là-dessus, mais c'est un autre exemple de choses, de compromis qui sont corrects dans un couple. Mais les deux, ça doit marcher des deux côtés. Qui sont découragés. Donc voilà. Morale de cette histoire, si on veut, j'arrive un petit peu vers la conclusion. Proche. Le mythe du couple sur mesure, ben c'est néfaste. Faut respecter la liberté d'autrui, certes, mais il faut se décider un petit peu de l'individualisme. Puis prendre conscience que le fait, bon, qu'un couple, si on en veut un, ben ça doit être construit avec des compromis puis des sacrifices personnels, forcément, dans plusieurs domaines. C'est ça, un petit peu, l'esprit collectiviste. Si on pense pas au couple d'abord, de temps en temps, tu sais, évidemment, il faut penser à soi, jusqu'à un certain point. À un moment donné, il faut passer au couple aussi. Puis si on pense jamais au couple, puis on pense toujours à soi-même, ça va toujours, à un moment donné, il va toujours avoir un conflit, puis là, on va sortir. Donc, il y a comme un point, comme un juste milieu entre prendre conscience de ses intérêts personnels puis prendre conscience des intérêts du couple en tant que tel. Donc, il faut aussi prendre... Il faut entretenir son couple. C'est un peu ça l'idée. Donc, c'est de la base, là. Ben ouais, c'est, ça. C'est exactement ça. Prendre conscience de ses torts. Exactement. Ça a l'air de la base, mais tu sais, quand on arrive en couple, c'est pas toujours évident. Quand t'as des gens, par exemple, qui disent ben non, sacrifie-toi pas pour ça, t'es ben trop. Tu fournis ben trop de temps pour ci, pour ça. Il faut pas qu'il y ait de contraintes, ni blablabla, tu sais. Mais ça n'a pas rapport, tu sais. Un couple, si on veut l'entretenir, on l'entretient, puis les compromis, c'est normal, puis les sacrifices, c'est normal. Quand quelqu'un sent mal que l'autre se sacrifie pour elle, il y a un problème, tu sais. Faut commencer à l'accepter d'un bord, tu sais. Mais bon, toujours jusqu'à un certain point. Tu sais, comme j'ai dit, si t'as l'impression que tu gâches ta vie, va-t'en, tu sais. Logique. Ben, c'est ça. Mais, donc, tu sais, on peut se dire, oui, mais dans le fond, peut-être qu'à un moment donné, il y a effectivement mieux ailleurs. Tu sais, si je suis dans un couple où j'aime pas tant ça, puis je pourrais peut-être vraiment comme avoir mieux avec quelqu'un d'autre. Tu te sens pas heureux, maintenant. Oui, mais c'est ça. Mais c'est toujours trouver le juste milieu, ce qui est difficile. Puis, ce qui regarde le portrait global, là, ce qui est vraiment un fait, c'est qu'il y a plein de ruptures qui auraient pu être évitées. Puis, il y a plein de gens qui cherchent inutilement pour rien, puis qui, s'ils avaient pris la peine de construire leur couple, auraient fini par changer, puis c'est normal de changer pour l'autre, puis auraient fini par se bâtir une compatibilité. Puis, je pense le devoir de ne pas rompre, ou le devoir de rompre le moins possible, je pense que c'est quelque chose qui devrait être discuté de plus en plus en société, quelque chose qui est tabou, mais qui est défendu de plus en plus. Il y a une psychiatre, voilà, qui a défendu ça. Entre autres, son nom, c'est quoi déjà? On va l'appeler Madame. Madame, oui. Ah, Adelheide Kastner. Okay. Une Allemande. Une psychiatre allemande qui défend justement l'idée qu'on devrait éviter les ruptures autant que possible. Puis, en effet, quand on regarde les ruptures de couple, il y a deux autres psychiatres qui ont évalué comme sur une échelle de stress l'événement traumatisant, à quel point ça stresse. Puis les ruptures amoureuses, en fait, c'est le deuxième événement le plus stressant pour une personne. Mmh. La première position, c'est la mort ou conjoint ou de la conjointe. Mais les ruptures, c'est la deuxième chose la plus stressante qu'on peut vivre dans notre vie. Puis il y a plein de gens qui doivent vivre ça, malheureusement. Donc, quand on fait des ruptures à outrance, on cause beaucoup de tort à la société, puis on cause beaucoup de tort à plein de monde, puis on se cause du tort aussi à soi-même. Parce que on se rend peut-être pas compte à quel point c'est important le couple quand on est jeune, mais quand la famille s'en va, puis il y a de plus en plus de gens de la famille qui décèdent, quand nos amis partent de chacun de leur côté, mm-hmm. quand les collègues de travail partent, qu'est-ce qui reste à la fin? Il reste le couple. Puis c'est pour ça que c'est un outil social super important, puis on a tendance à négliger. Moi, j'ai connu beaucoup de personnes qui ont 35 ans et plus, qui ont vraiment rushé pour retrouver, tu sais, qui ont de la misère à trouver des gens qui sont disponibles parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà mis en couple et tout ça. Mm-hmm. Donc, tu sais, on a tendance à sous-estimer l'importance de construire un couple. Mais c'est vrai que, bon, dans la toute jeune vingtaine, c'est pas si pire. Mais quand t'arrives fin vingtaine, commence à y penser, tu sais, parce que... Mais tu sais, quand ça marche pas, ça marche pas. Hein? Bon, ça ben Mathieu, hein, on va commencer à penser à ça. Ouais, c'est ça, on y pense. C'est ça, quand ça marche pas, ça marche pas. Mais tu sais, il faut aussi comme... vraiment comme être prêt au compromis puis être prêt à construire quelque chose. Puis quand quelque chose n'est pas idéal, là, c'est normal aussi. Faut savoir plier sur son orgueil. Ouais. Je pense que faire des compromis, c'est souvent plus ça. Puis les gens comprennent pas nécessairement la notion de faire des compromis. On sent la pointe là, dirigée envers quelqu'un. Mais non, du tout. Mais je pense que c'est vraiment ça. Mm-hmm. Tu sais, les gens veulent pas faire de compromis. Ouais. Non, tu veux la perfection dès le départ. C'est ça, exactement. Ça. Mais parce qu'on s'est fait dire qu'on pouvait avoir la perfection. C'est la faute à nos parents, c'est ça que tu veux dire? Ben, c'est drôle parce que j'ai souvent eu la conversation avec des gens qui sont plus âgés que moi, donc dans la tranche quarantaine, cinquantaine, et qui ne comprennent pas comment ça se fait qu'on est quasiment tous célibataires et insouciants de ce qui se passe face à nos vies amoureuses. Mais je pense qu'il y a une grande différence aussi sur le fait que pour les gens de cette génération-là, c'était important d'avoir une famille. T'avais quasiment pas le choix. Ouais, c'est ça. C'est important d'avoir une maison à 22 ans. Ouais. Aussi. Tu parlais pas de n'importe qui, mais... Avec quelqu'un. Ouais. Avoir un compte conjoint. Un compte conjoint. Tu sais, non, mais on rit, mais... Accumuler des 1 mile. Ben, c'est ça. Avoir des REER. Mm-hmm. Tandis que c'est pas tant ça, ce qu'on voit, nous, tu sais. Non, même non. En couple, souvent, on garde quand même nos trucs pour soi. Ben oui, exactement. On est très, très individualiste. Mm-hmm. Ben, exactement. Voilà, c'est tout à fait ça. Puis, repousser l'âge, bon, de la maternité puis de la paternité, c'est aussi un choix, bon, qui est justifié aussi. Mais en même temps, effectivement, toutes ces pressions-là qui tombent au niveau social nous emmènent à comme une sorte d'individualisme un petit peu... qui a des effets pervers, je suis tout à fait d'accord avec ça, évidemment. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Pensez un petit peu plus au groupe. La gauche a souvent tendance à prôner une quête personnelle du bonheur à tout prix. Mm-hmm. Mais à un moment donné, il faut aussi penser aux gens autour de nous, aux ruptures qu'on cause, à la peine qu'on cause aux gens autour de nous. C'est pas un truc négligeable. Là. C'est quelque chose de vraiment traumatisant, une rupture. Puis quand une relation ne convient pas, fine, c'est correct. Ouais, ben oui. Mais c'est parfait. Mais à un moment donné, il faut aussi prendre conscience que il faut le couple... Ça n'existe pas tant qu'on ne l'entretient pas. Ça, c'est super important d'y aller avec ça. Puis, tu sais, un autre paramètre qui est souvent intéressant à considérer, c'est que, tu sais, les couples, c'est surtout une chose de un phénomène de circonstance. Oui. Les couples, ça se forme surtout parce que, bon, il y a une proximité, mm-hmm. Parce qu'on parle la même langue, parce qu'on s'est rencontrés à telle place, au bon moment, au bon endroit. On a été matchés des fois. Ben, matchés des fois. Puis, même dans les rencontres en ligne, oui, on voit des gens de différents horizons, de cercles sociaux qui sont extérieurs aux nôtres. Mais quand même, il y a quand même la proximité qui compte, la langue, différentes choses aussi, les préférences personnelles. Donc, à un moment donné, ça reste beaucoup une question de circonstances quand même. Et puis, c'est ça, il faut vraiment s'enlever de la tête cet idéalisme du couple, je pense. Il faut y aller jusqu'à un certain point. Il ne faut pas qu'on pile trop sur nos valeurs personnelles, nos intérêts personnels. Il faut quelque chose qui convient. Faut être capable de poursuivre nos buts dans notre vie, même avec le couple, mais quand même, il faut pas y aller pour le tout inclus sur mesure. Faut arrêter avec cette pensée magique là, puis vraiment comme penser au groupe. Tu sais, je sais que ça fait mal de dire ça, puis tu sais, ça fait un petit peu mal de se dire ah ben finalement je trouvais pas la pêche. Je pourrais peut-être me couper de possibilités, d'opportunités. Mm-hmm. Mais c'est justement cette pensée-là qu'il faut enlever. C'est ça qui marche pas. Puis je sais que ça fait vraiment mal. Puis moi aussi, j'ai quand même un petit peu de misère des fois à me figurer ce problème-là, cette situation-là. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'enlever de la tête puis qui nous a vraiment été inculqué vraiment super fortement. Puis il faut vraiment finir par s'enlever ça de la tête parce que je pense que c'est une des choses les plus néfastes pour le couple aujourd'hui. Puis c'est en partie à cause de la gauche. Donc voilà, c'est l'os que je lance, ben pas l'os, la pierre, on va dire la pierre que je lance à la gauche ce matin. Hey voilà. Boy, hein? T'es allé fort! J'étais fort ce matin? Ouais. Ouais. Bon. T'as remis en question. Ben c'était fort parce que ça touche... Tout le monde. Tout le monde, c'est ça. C'est littéralement, il n'y a personne qui n'est pas touché par ça. Ben, à part ceux qui sont en couple, laissez faire. Oui, aussi, oui. Ceux qui sont, comment t'appelles ça, là? Voyons. C'est quoi, célibataire endurci? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, ça remet tout le monde en question. Vraiment, même moi, là, quand je réfléchissais à ça, je me remettais beaucoup en question aussi parce que le goût d'avoir comme une relation vraiment idéale puis qui nous convient là, à 100% puis vraiment de luxe, si on veut, entre mm-hmm. guillemets, là, t'sais, c'est comme quelque chose qu'on ne veut pas laisser aller super facilement, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose que quand on regarde d'un point de vue global, d'un point de vue social, il faudrait arrêter de faire ça, puis c'est mal. Ça a des conséquences néfastes. C'est ouais. le mal. C'est mal. Ouais. Voilà, disons-le, c'est moralisateur, mais ça, c'est pareil, c'est mal. C'est mal. Voilà. Tu dis, badaboum, badabing. Soyez en couple. C'est ça, oui, restez en couple. Ben, t'sais, si vous aimez pas le couple, soyez pas en couple. Ben, mais hein? Si vous cherchez un couple, puis il y a une relation qui vous convient, puis qui est compatible avec vos buts personnels dans la vie, allez, coupez pas les cheveux en quatre. C'est ça, tu peux pas avoir le couple. Tu peux pas avoir le couple que tu veux, là, nécessairement. Exactement. Les rêves sont vraiment comme souvent éloignés de la réalité. Puis c'est une triste réalité. La réalité du prince charmant n'existe pas, malheureusement. Non, je sais que ça fait bien de la peine, mais ce n'est pas le cas. Mais tu sais, ça prend deux personnes hein, aussi pour danser le tango. Fait que quand t'es dans une relation, si toi tu penses comme ça, c'est merveilleux. Si l'autre personne pense pas comme ça, t'es dans le chenoute. Ça marchera pas. Exactement. Donc, il faut un respect mutuel. C'est un très bon point. C'est un peu vu comme mauvais parce qu'on pense souvent que c'est nous qui changeons, mais c'est les deux qui changent. T'as tout à fait raison. Exactement. C'est un très, très bon point. Donc, vu de même, effectivement, ça peut permettre un petit peu de relativiser les choses, en effet. Tu sais, de mettre les choses au clair dès le début, là. Ouais. Ça serait pas pire. À place de juste partir quand t'en as l'occasion. C'est ça. Jamais revenir. C'est ça. Toujours pas. Salutations. Merci beaucoup, Jimmy Thibodeau. Ben, merci à vous. On te souhaite beaucoup de succès dans tes relations. Ben merci. On connaît reste pas. Reste avec. Je vais essayer moi en tout cas. Et ouais. Et on te retrouve la semaine prochaine, toujours les mardis vers les 9h pour une autre 9h30. 9h? 9h, ouais. Mm-hmm. Je suis mêlé. Bref, la semaine prochaine, mardi, 9h. Jimmy Thibodeau et Gauchère Bévu. Tantôt, on a fait le bloc Palmer Rest in Peace. On a envie d'entendre une pièce au complet de ça. Oui. Hein? Et j'ai choisi celle de Fever Ray. Voici To the Moon and Back. On l'écoute au complet. Et on revient pour se dire au revoir à l'Assemblage Rocky. Jusqu'à ça. Avec To The Moon and Back. C'était sur les palmarès jusqu'à cette semaine, en fait. Mm-hmm. Ça nous a quitté après 5 semaines. Quelle tristesse. Oui, était très bonne cette pièce. Mais on continue de l'être, puis on continue de la jouer de fois de temps en temps. On fait ça des fois. Avec plaisir, parce que c'est merveilleux. Oui. C'est la fin de l'émission Assemblage Rocky pour aujourd'hui. Malheureusement, ça aussi, hein, faut se quitter éventuellement. Pas le choix. Éventuellement. C'est comme ça que ça fonctionne. On remercie Marc-Olivier Dumas pour sa chronique Sport et Filoché. Dominique Mavungu pour sa chronique Voix d'Afrique. Et Jimmy Thibodeau qui vient de partir avec Gauchère Bévu. Demain, mercredi à l'émission, on va avoir Sébastien Gartin qui va être là en début d'émission pour son bulletin Gartin. On va parler aussi d'improvisation. D'après moi, ça va être avec Frédéric Simon. Ça va être à 9h30 probablement demain. On laisse ça en réserve. Donc demain, on va parler d'improvisation quelque part là-dedans, entre 7h et 10h. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, en ce beau petit mardi, restez là pour C'est Full Sex qui sont s'en vient à partir de 10h. Ensuite de ça, c'est la rediffusion de Rock de Neurone à partir de midi. À 15h, c'est Dans ta face avec du rock francophone, c'est en direct. À 16h, aussi en direct, les pas sortables. On reste en direct toute la soirée, en fait, avec Réanimation qui est à 19h avec du métal et de l'horreur, et Matière noire avec du métal progressif à partir de 21h. Voilà. Sif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balados diffusion. On se quitte avec une pièce du côté francophone. J'essaie d'en choisir une assez longue. Par contre, Colin, j'ai pas fait ma job avant. J'aurais dû faire ma job avant. Et Colin, le gars, il est pas fin, il est pas fin. On écoute du Danny Placard avec Paye tes billes. On se retrouve demain 7h. Bye bye. Bye. Bon café. Oh oui.